Yves est créé à la montagne ce 8 mars, journée de la femme et aussi début du printemps des poètes. Eh bien, donc, vous aurez ce soir une série d'émissions dont je vais vous énoncer le programme. Dire ce dont il va être question ce soir, c'est le printemps un peu partout qui va s'annoncer et notre émission sera marquée notamment par celui-ci, sur divers aspects. Donc, tout d'abord, eh bien, nous aurons une petite rétrospective sur le mois de mars, hein, avec comme chaque mois, pas chaque 15 jours en fait, il y a 15 jours, j'en ai passé des extraits de l'année en Lorraine, un peu plus réactualisé à ces jours-ci. Et puis après, je viendrai à un point qui est très important. C'est pas un reportage, c'est moi qui vous parlerai du presbytère de Bussan sur lequel nous nous battons et qui a lancé une pétition. On a lancé une pétition qui vient de passer à l'instant les 500 exemplaires, les 500 signatures. Donc on en est à 502, plus d'autres qui étaient venus avant. Il y en avait 290 avant dans une autre formule de la pétition. Alors, il y aura ça. Ensuite, on parlera toujours du printemps, avec la poésie, déjà la poésie par RGM. Alors, je vous passerai des extraits des samedis musicaux de RGM que Mika m'a mis de côté là. Donc, c'était récemment. Dichotomie, Florent Kiffer et Jean-Noël Mathieu. Jean-Noël, je crois, si je ne me trompe pas. Non, Jean-Nicolas, pardon. Et puis Serge Pasquale qui présente un spectacle qui lui aura lieu le 16 mars. Alors ça, on attirera votre attention là-dessus. C'est Serge Pasquale qui a fait une émission hier, plus complète, mais moi j'en passerai quelques extraits, également sélectionnés par Michael. Et puis, après ça, je nous irai en poésie un gros extrait quand même de ce qui s'est passé à Gérardmer il y a 8 jours. C'était le 1er mars et il y avait une présentation de poèmes avec une présentation aussi du festival de Rouen-l'Étape, festival de poésie qui aura lieu du 13 au 19 mai. Et là, on aura donc une présentation assez complète. Ça durait 1h30, vous en aurez un bon extrait de bonnes minutes de poésie. Alors, on l'étape. Après, nous irons sans doute faire un petit tour du côté de Contrexéville, où les ateliers slam se sont mis en route. Et c'est un prélude à notre action à la fois slam et poésie où est les cœurs, qui va être lancée par RGM très bientôt. Et puis, Enfin, dans le temps qui nous restera, je pense qu'il y en aura quand même un petit peu, eh bien, nous parlerons avant minuit, je sais pas l'heure exacte, mais dans la soirée, du 15e acte des Gilets jaunes, où nous étions, en reportage et plus si affinité, et bien sûr, une ambiance ou quelques extraits de cette musique particulière qui s'est passée à ce moment-là. J'en rendrai compte avant le 17e qui a lieu demain, 17e acte des Gilets jaunes. Alors, écoutons déjà ce que j'aime bien, c'est Lenny Escudero qui nous chante le petit coquelicot. Voilà. Alors, on sait qu'on parle aussi des petits coquelicots, les actions Nous voulons des coquelicots, c'est aussi une action à la fois printanière, écologique et revendicatrice. Et là, c'est une belle histoire. Monucci. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être un idiot. T'as peut-être raison, Seulement voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. Ah, peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur, qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ce n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure, elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sous le corsage blanc, juste où battait son cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Voilà, et maintenant on va réécouter les Gens de Lorraine avec des enregistrements qui recoupent la période de début mars ou fin février, comme on veut, et un petit peu une annonce presque d'avril. Mais on va arrêter quand ça avancera trop, hein. Mardi gras n'a pas soupé, je vous prie de lui donner. Coupé haut, coupé bas, coupé toujours dans le plus gros. Si vous n'avez pas de couteau, donnez-lui tout le morceau. L'hiver, on faisait les gaufres. Alors maman préparait la mégaine, un grand plat de farine avec des œufs dedans. Et puis on mettait du lait, et puis du sucre surtout, fallait pas oublier, un peu de sel. Et puis on remuait tout ça, puis quand tout était bien remué, ni trop clair, ni trop épais, on mettait un bon morceau de beurre fondre et on rajoutait encore à ça. Puis alors on préparait le gaufrier, papa rangeait ça sur les bûches, on le graissait comme il faut, et puis là... La soirée commençait. Mardi gras, je ferai des crêpes. Mardi gras, je ferai des crêpes. Tu en auras. Mardi gras, je ferai des crêpes, je ferai des crêpes. Mardi gras, je ferai des crêpes. T'en auras pas. Mascarade à la grillade, dans ta gamelle. T'auras du miel. Entre mars et avril, les oiseaux font leur nid. Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés. Un petit peu en avance, les chongolos, les lourds rollos, c'est encore pas, c'est pas que donc c'est dans quelques temps. On va donc arrêter là la rétrospective des gens de Lorraine, de l'année en Lorraine. C'est toujours un 33 tours, vaillant de 1979. Et puis avant de passer au presbytère, rubrique mono-parlée par moi, hein, j'ai redécouvert là, à la radio, dans nos chansons à texte, bah, toutes les chansons ont un texte, mais là, c'était Anne van der Love. Tiens, je ne sais pas si elle est encore là. Ah, est-ce qu'il marche? On va voir s'il marche. Il est marqué HS chargeur. Peut-être que il va marcher, sinon... Oui, c'est Anne van der Love, oui. C'est donc en avance, balade en avril. Jamais je n'aurais pensé qu'il pouvait me ressembler. Van der Love, dont il n'y a pas grand-chose, on ne dit pas grand-chose sur elle, c'est qu'elle chante toujours un peu, apparemment. Bon, elle n'a plus la même tête, forcément, que quand elle avait 20 ans, quand elle chantait ça, Ballade en avril. C'est Anne Van der Love. Elle a été, tout ce que je vois sur Wikipédia, c'est qu'elle a été honorée des arts, de la médaille des arts et des lettres, ma foi. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres choses, mais si on trouve, on dira. Mais elle est toujours là, toujours de ce monde, en tout cas, bah oui, quand même. Elle n'est qu'en 43, c'est pas vieux. C'est pas si vieux. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous parler du presbytère de Busson. Eh bien, c'est toute une histoire. Bon, pour ne rien oublier, je prends tout simplement l'Écho des Vosges paru aujourd'hui pour me servir de pense-bête, en commentant un petit peu. Oui, en disant, voilà, le titre, l'Écho des Vosges, titre, le presbytère de Busson, Stéphane Bern alerté, en effet. Un dossier vient d'être envoyé à la mission Stéphane Bern dans les limites fin février, oui, justement, je dirais même à minuit moins le quart, envoyé par l'ami José Thomé, un pote qui, depuis le temps des Garonnes où il est, m'a aidé à faire le dossier. Le dossier a été acté, et le presbytère de Busson sera-t-il donc un des nouveaux 118 sites bénéficiaires de la mission, la nouvelle donc cuvée? On le saura donc apparemment vers le 14 juillet, peut-être même au mois de mai, si je suis bien renseigné. Alors on m'a dit aussi depuis que Stéphane Bern, il vient voir bientôt au Thon. C'est pas sûr quand même, je n'ai pas la confirmation. C'est Anne Dufala qui me l'a dit, Anne Dufala qui restaure les monuments anciens et qui a signé la pétition dont je vais parler. Ah oui, la pétition, c'est important, j'en ai parlé aussi. Alors effectivement, les associations régionales de patrimoine se mobilisent autour du presbytère. Bon, eh bien, notamment, c'est les vieilles maisons de France, j'en reparlerai, et les maisons paysannes des Vosges, plus Madon, l'association Madon, et puis d'autres associations non moins importantes, comme dans les Vosges, justement, la Fédération des sociétés savantes des Vosges, que préside notre ami Christian Heuria. Et puis d'autres se sont manifestés, la Société d'Histoire de Remiremont, plusieurs personnes se sont manifestées, la CESAM, Société d'Études de Sauvegarde des Anciennes Mines également, qui travaille beaucoup sur le TIO, et Busson, et justement, voilà. Alors, tout ça, tous ces témoins, c'est créé, et les gens, plusieurs associations ont écrit au maire, qui ne répond pas, et ces associations nous ont dit, eh bien, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est pour ça qu'on a... On a, après plus que six mois depuis le mois de mai, avril de l'année dernière, bientôt un an, on se préoccupe de ça et on agit auprès du maire et voilà, on vous racontera un petit peu les choses. Alors, en effet, estime Maison Paysanne, notamment Dominique Mehdi, cette question est d'importance pour les visiteurs, les touristes de toute la France, qui ont leur mot à dire aussi sur Busson, qui aiment trouver à Busson, outre un théâtre célèbre, un centre-ville ancien, typique d'une petite ville de caractère, selon les mots de Stéphane Bern. Alors c'est paru aussi sur Remiremont Info, notamment, sur les sites d'info, bien sûr Vosges Matin en a fait part, et sur les sites d'info, quelqu'un a répondu, quand même, Busson, c'est pas tellement une petite ville de caractère. Oui, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être parce que, par exemple, j'y viens plus loin. Ouais. Ça pourrait l'être avec un peu de soin. Ce cachet, en effet, est dû à un ensemble cohérent que constitue, selon d'ailleurs Thierry Dechet le prêtre, qui est le conservateur départemental, l'archéologue départemental, ensemble cohérent que constitue, selon Thierry Dechet le prêtre, avec l'église, le square Maurice Potser, le presbytère, et une maison 18e qui est proche, ainsi que même l'ancienne mairie-école du 19e siècle qui est devenue la maison des associations. Et cet ensemble, au centre du village, de la ville, on a de tels exemples dans la vallée de l'Haute-Moselle, pas mal en manque de monuments, Récemment encore, ben, il y avait des halles du XVIIe siècle qui n'ont pas été conservées et qui, dans la démolition d'une maison, on avait trouvé des halles du XVIe siècle, XVIe-XVIIe, et puis on n'a pas pu les garder parce que effectivement, les démolisseurs n'ont pas le bulldozer tendre, léger, pas délicat. Et à la place, on a mis des arcades en béton, ma foi. Question patrimoine, bon bref. J'aime bien Michel Moreau, maire du Thiot, qui... mais bon, il est vrai que là, il y a peut-être à redire. Et Abussan ne voudrait pas avoir à redire, justement. Et il y a, et François Vanson l'a souligné, hein, le député, non, il n'est plus député, il est président du conseil départemental, il est originaire du Thiot aussi, et il dit qu'effectivement, il n'y a pas d'autres cas comme ça dans la vallée de l'Haute-Moselle. Pour avoir un tel cachet potentiel, et même déjà réel. D'ailleurs, puisque Bussan a obtenu quand même le label tourisme, avec malgré tout l'état actuel du presbytère, qui demande bien sûr des travaux d'esthétique, de préservation, mais malgré ça, le label tourisme a été obtenu par Bussan. Donc le presbytère n'a pas gêné, au contraire, il pourrait au contraire améliorer. Alors, donc en Alsace aussi, on a la protection en Alsace, c'est même pas la peine d'en parler, de l'énumérer. C'est le moindre village à 10 maisons inscrites au patrimoine, inscrites à l'inventaire, voilà. Donc vraiment, on en est loin dans nos vallées, on n'a pas cette espèce d'esthétique, d'amour et de soucis. Je sais que Marie-Josée Potcher, tiens, on parlait de Potcher, Square Potcher, Marie-Josée Potcher, décédée, la pauvre, donc disait, citait Malraux souvent, ignorer le passé, c'est déshériter le futur. Ou détruire le passé, c'est déshériter le futur. Voilà ce qu'elle aimait bien dire et ce que nous pouvons dire. La protection du patrimoine, donc, la protection du presbytère a fait hier l'objet d'une réunion, hier 7 mars, l'objet d'une réunion de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine à l'architecture, CRPA, bon, bref, à la DRAC, Grand Est. Et à la DRAC Grand Est, on lui avait fait un dossier complet avec un tas de photos, y compris des photos d'intérieur que le maire nous a autorisé à les prendre, puisqu'en principe, il y avait quand même l'amiante qui empêchait d'intervenir dans le presbytère. En attendant, donc, effectivement, les décisions de la DRAC, qui vont pas tarder, mais sûrement peut-être en courrier, je guette mes mails, mais à l'heure-ci, j'ai encore pas la réponse. En attendant, donc, cette décision, une pétition nationale a été lancée samedi dernier, par Urgence Patrimoine, que je vous recommande, la sympathique Alexandra Sogsbach, si je prononce bien, qui est très dynamique, et qui, on m'a dit, il faut passer par elle, elle est très active sur les réseaux sociaux. En effet, on a commencé la pétition, adressée depuis samedi, elle a commencé samedi dernier, adressée au ministre de la Culture, au préfet des Vosges, au président du conseil départemental, donc François Vanson, et à d'autres personnalités. Bon, effectivement, cette pétition vient d'atteindre les 502, là, à l'instant, là, les 502 signatures. Et, en fait, il y avait eu aussi une précédente consultation que nous avions faite avec 5 courageux démarcheurs en décembre, parce qu'on savait que le maire voulait prendre sa décision. Et avant le 15 décembre, on a obtenu quand même assez vite 187 signatures, avec 3 réponses négatives seulement, du genre « il faut le raser », bon bref, c'est leur droit de le penser, mais enfin, c'est notre droit de soutenir l'inverse, d'autant que, il y a 10 ans, une consultation par la municipalité aussi, cette fois-ci la municipalité, avait donné une majorité pour garder le presbytère. Bon, effectivement, donc cette pétition actuelle recoupe peut-être un tout petit peu certains signataires de la précédente consultation, si bien qu'on peut pas tout à fait ajouter. Donc on avait 187 signataires sur Bussan et 290 par ricochet. On n'avait pas cherché à développer, mais les gens de Bussan, qui nous aiment bien, allaient envoyer avait envoyé à des gens de Saint-Maurice, Le Fraisse, etc., dans la proximité, et par exemple le Club Vosgien, on peut le citer, et 8 autres associations nous avaient soutenus, et donc, soit par leur président, alors je ne cite encore pas, j'attends quand même leur feu vert pour les mettre en première ligne, mais en tout cas, on a 8 présidents ou responsables d'associations, en dehors de Recré, qui est notre assos, qui fait l'émission de ce soir d'ailleurs, qui s'appelle Vivre et Créer à la Montagne, comme Recré. Eh bien, donc, on avait déjà un soutien, qu'on ne peut pas tout à fait mathématiquement ajouter aux 502 actuels. Bon, mais malgré tout, on est quand même plus près des 700, voire 800, puisque on sait que les gens qui avaient signé ne re-signent pas souvent la pétition, alors qu'ils le peuvent, puisque c'est une autre forme qui, elle, est plus nationale, voire internationale. On a des pétitionnaires de Belgique, par exemple, et puis des gens qui vraiment soutiennent en disant quoi, pour qu'est-ce qui se passe, voilà. Alors, maintenant, la question sensibilise tout le monde culturel et touristique en France. Donc, déjà, et je parlais, après j'énumérerai la pétition, j'ai dit que je ferai le dossier ce soir, j'allais pas beaucoup parler, c'est comme ça. Finalement, je suis sur RGM, en cordonnier mal chaussé, je parle de tas d'autres choses, et moi-même j'interviens sur d'autres radios. Par exemple, Vosges FM m'a interviewé sur le sujet, ça va passer là, et à Épinal, et donc là, il est quand même temps que j'en parle sur RGM, quand même, c'est la moindre des choses. J'allais pas non plus parler à Radio des Ballons, ou pourtant, enfin, très peu, mais un peu plus quand même qu'ici, Radio des Ballons au Tio, parce que ça touche le Tio, et puis parce que je suis co-animateur aussi pour les scolaires sur Radio des Ballons. Alors, je vais vous passer, si la deuxième platine veut bien le faire, un disque avant de continuer sur un disque de Gilles Vigneault, tiens. Gilles Vigneault, que j'étais allé voir à Beaucourt, c'est très intéressant, Beaucourt, il est à le sol, alors là, je me bats avec les disques, puisque je change de platine, et que vous allez avoir, par conséquent, Gilles Vigneault sur une autre platine. Ah, s'il veut bien venir, Gilles. Il ne veut pas venir aujourd'hui, donc on ne passera pas à Gilles ce coup-ci, mais on va à la place, on va tuer un autre que j'aime bien, qui est mort d'ailleurs, lui, François Béranger, tiens. Voilà, après Gilles, on verra. Étions-nous en Irlande ou aux confins des Shetland? Je sais pas, j'ai rien vu. Aux quatre coins de l'île, les plaines des cornes de brume, comme des fantômes dans les dunes. Et c'est pas les pleurs des cornemuses que j'entends, mais les steelbands de Trinidad. Je vois des soleils partout sur le chemin, et le bleu de tes yeux quand tu viens. Nos amis sont des enfants, ils n'ont que 12 ans d'âge. Ne cando glennivette, macalatalisker. Glenfiddich, Glendoulal, le vieil O'Kentoshan. Et toi tu ne dis rien, tu te contentes de rire. Et c'est pas les pleurs des cornemuses que j'entends, mais les steelbands de Trinidad. Je vois des soleils partout sur le chemin, et le bleu de tes yeux quand tu viens. De quel désert viens-tu? Tu es morte de soif. De quel désert viens-tu? Tu es morte de faim. Dans l'abri d'un moulin, on se fait une tempête de tendresse, de passion. Tout le monde sur le pont. Et c'est pas les pleurs des cornemuses que j'entends, mais les steelbands de Trinidad. Je vois des soleils partout sur le chemin, et l'eau bleue de tes yeux quand tu viens. Voilà, donc avant de revenir à de la musique et donc à Gilles Vigneault, que je vais vous caler parce que il faut que je vous l'ai promis et il faut le faire et je le cale tout de suite pour tout à l'heure, pour pas vous faire attendre deux minutes ou même deux plombes. Donc, disais-je, je parlais du presbytère de Busan, et je vais vous lire la suite de cet article qui nous parle dans l'Écho des Vosges d'aujourd'hui. Alors, voici ce que nous dit cet article. Pétition en ligne sur le change.org, non à la démolition du presbytère de Busan. Après avoir été durant de nombreuses années favorable à la sauvegarde de ce patrimoine emblématique de Busan, la municipalité vient d'annoncer sa volonté de démolir son presbytère. C'était le 9 janvier. Au vœu. Voilà, bon vœu. Bon, le maire nous a quand même salué. Il a dit, voilà, vous avez fait les efforts, mais oui, mais on peut pas, l'amour dans l'âme, je dois démolir ce bâtiment, on n'a pas les sous pour, voilà, etc. Et puis, etc., etc. De nombreux projets ont été proposés pourtant afin d'offrir un avenir à l'édifice, mais la démolition est actée. Sans une forte mobilisation citoyenne, afin de venir en aide à toutes les associations de sauvegarde locale, l'avenir du presbytère est compromis. C'est la raison pour laquelle Recrée a lancé cette pétition de la dernière chance, relayée par Urgence Patrimoine, en espérant que les plus hautes instances de l'État seront sensibles à notre appel. Voilà. Merci à vous tous pour votre soutien. Le patrimoine ne peut pas lutter. Ensemble, nous le pouvons. Oui, s'adresser au ministère de la Culture. Déjà. Je l'ai dit tout à l'heure. Édifié, donc, histoire, un peu d'histoire. Édifié entre 1725 et 1735, sa destruction a été envisagée en 2008 et évitée par un mouvement de population, effectivement, puis par un référendum de la municipalité. Les associations historiques aussi de patrimoine s'étaient mobilisées et à nouveau, ça a été voté par le conseil municipal en avril 18. L'ouvrage de Marie-France Soise et Jean-François Michel, Maison de cure et presbytère ancien des Vosges, 2004, édition Guéniaud, note en particulier les fenêtres cintrées, signes de leur époque, et situe le bâtiment parmi les presbytères les plus remarquables du département. L'édifice a été visité, en fait, sous notre initiative, on l'avait fait venir, par le 25 juin, par l'architecte des bâtiments de France, Christophe Charlery. Et sous réserve de quelques travaux, malgré tout, notamment la charpente côté ouest, il a été jugé sain pour un bâtiment de 300 ans. Outre sa charpente remarquable à l'intérieur, les faux marbres époque de l'école de Nancy ont suscité l'intérêt. Oui, peut-être l'école de Nancy, j'en suis pas tout à fait sûr, mais il y a des faux marbres, c'était la mode. La fameuse école de Nancy, qui est au début du XXe siècle, et qui d'ailleurs, l'école de Nancy, qui a été liée au Théâtre du Peuple, parce que Louis Guingaud, puis après Henri Guingaud, ont fait les décors. C'était donc des gens qui faisaient... Henri Guingaud, il a notamment fait... Il a inventé le camouflage en 14, et on me demande aussi, notre association m'a dit, bah, il faudrait lui rendre hommage à cet homme ami de Maurice Potcher. Ouais, voilà, on demandera aussi. Voilà. Le responsable du STAP, M. Didier Gomez, a estimé que le bâtiment pourra repartir pour 100 ans, moyennant quelques travaux élémentaires. Et à l'époque, donc, Didier Gomez nous avait conseillé de faire une demande de classement, ou du moins d'inscription au patrimoine, à la DRAC. Ce à quoi nous avons été détournés de cette idée, le maire trouvait que ce n'était pas opportun, et ainsi que dans une autre institution dont je ne parlerai pas, qui maintenant a un petit peu changé, mais qui à ce moment-là trouvait qu'il fallait pas avoir recours à ça. Bon, c'était en juin, et c'est bien une erreur, puisque 6 mois plus tard, on a quand même, il a fallu le faire, et c'est in extremis cette fois-ci. Et peut-être il y a quand même Stéphane Baird en plus maintenant. Alors, ce bâtiment public est avec la popote. À la Révolution, j'ai pas tout lu. Le maire avait déjà envisagé de, c'est pas le même maire, hein, avait envisagé de raser en 1796 la maison, jugée vieille et sujette à beaucoup de réparations. C'est à peu près les mêmes termes actuels. Il voulait à l'époque agrandir la place publique. Un négociant de Remiremont, merci à lui, toutefois en fit l'acquisition et la répara, et pour deux siècles, le presbytère était sauvé. Voilà. Ce bâtiment public est avec la popote du théâtre, qui est l'auberge des Trois Rois de 1714, et avec l'église, donc, de cette époque, le seul bâtiment d'envergure de Bussan, et un des très rares de notre vallée, en plus, qui donne un cachet 18e siècle unique au centre de Bussan. Je l'ai dit tout à l'heure, seul Dommartin a un même ensemble, avec un presbytère devenu d'ailleurs une maison des associations, une maison du patrimoine, de part et d'autre, de la place, et puis l'église. Tout ça donne un joli cachet, petite huile de cachet, comme dit Stéphane Bern. L'architecte du parc naturel des Ballons des Vosges souligne aussi l'appartenance de ce presbytère à un ensemble de constructions de même époque typique de la vallée de la Ture. C'est ce qu'a noté donc François Vanson, je vous le disais tout à l'heure, qui nous a manifesté son soutien en novembre 2018, François Vanson, président du conseil départemental. Et Thierry de Chelleprêt, de même, trouvait cet ensemble cohérent, nous l'avons dit également, donnant au centre le cachet de petites villes de caractère, comme il a été dit. Le presbytère est situé dans le square Maurice Potcher, buste de Henri Guingaud, et avec donc ce buste, et le presbytère est au centre du parcours Potcher, et depuis 2012 jusqu'à 17, bon maintenant ça n'a pas été repris, il était le point de départ officiel et artistique de la saison d'été du Théâtre du Peuple. Un peu de musique, un peu de Gilles Vigneault. On ne sait jamais qui frappe à la porte, on ne sait jamais ce qu'il nous apporte. Cet étranger, le voyageur, il ne faut pas fermer son cœur, il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur. Qu'il vienne à midi ou par nuit sans lune, qu'il soit cousu d'or ou bien sans fortune, il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur. Il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur. Loin loin de sa maison, loin de sa patrie, aux quatre chemins déroulant sa vie. Il vient vers vous, le voyageur, il est à la merci du cœur, il est à la merci du cœur. Il vient vers vous, le voyageur, qu'il vienne à midi ou par nuit sans lune, qu'il soit cousu d'or ou bien sans fortune. Il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur. Il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur. Je continue donc la lecture de cet article sur le presbytère, avec en fait c'est la pétition que vous pouvez trouver sur Urgence Patrimoine. Il suffit de taper Urgence Patrimoine sur votre ordinateur, sur Google, et vous tombez sur la pétition non à la, démolition du presbytère de Bussan. Donc en mai 18, l'association Recréer Vivre et Créer à la Montagne s'est portée volontaire pour réhabiliter le bâtiment et y développer une activité associative culturelle, comme on appelle un tiers-lieu culturel. On a fait donc un projet assez élaboré, avec des chiffrages, avec des phases immédiates, 20 000 euros pour commencer, et puis notre huile de coude pour sécuriser les lieux, pour embellir, parce qu'il y a quand même des tôles à changer sur le flanc nord. C'est pas très beau, effectivement, et là, il faut embellir. Et effectivement, la municipalité a accepté de nous donner notre chance, et le maire, dans une réunion du conseil municipal, je sais qu'il y a une réunion ce soir du conseil municipal, j'ai pas pu y aller puisque je suis à la radio, je sais pas s'ils vont parler du presbytère. En tout cas, en mai, le maire avait obtenu la suspension de la décision de destruction qui avait été prise en avril, et en disant, ben voilà, Recréer veut tenter une expérience, une réhabilitation. Et il a été, l'accueil du maire a d'ailleurs été très positif. Alors, je suppose que c'était un petit peu un de ses vœux secrets à l'encontre de son entourage, qui lui est beaucoup moins pour ça, comme on l'a senti par la suite. On s'était engagé à effectuer des travaux d'urgence, mais il nous fallait pour ça une convention, puisque c'est la mairie qui est propriétaire. On aurait pu acheter aussi pour 1 euro symbolique le bâtiment, mais ça n'a pas été acquis par le maire. Et il nous aurait fallu pour entrer une convention. Et le maire disait, la convention vous l'aurez, mais lorsque le désamiantage sera fait. Or, ce désamiantage, le maire nous disait, mais on peut pas, je sais pas quand, vous savez, les entreprises, bon. Et effectivement, on n'a pas pu du tout l'été travailler, l'été 18, et le deuxième amiantage n'a été effectué que courant janvier 19. Et dès avant même le deuxième amiantage, le maire s'est dit, a annoncé sa décision de détruire le presbytère, et on n'a pas pu intervenir du tout, donc, et le maire est pressé de faire place nette, si je peux dire, en 19, en vision des élections de 2020, qui se présentent ou pas, je sais pas, mais en tout cas pour faire mettre en avant son œuvre, qui par ailleurs est assez intéressante sur Bussan, et il peut le dire quand même, et je peux le dire. D'abord, on a fait le parcours Pottcher avec lui en 2015, il a réhabilité la gare en office du tourisme, il a obtenu que les eaux de Bussan servent à faire de la bière, donc un retour des eaux de Bussan, c'est quand même intéressant. Mais puis peut-être il y aurait la buvette des sources, mais il s'en est pas occupé, mais il y a une association, paraît-il, qui veut s'en occuper. Par contre, il a pas envie que les travaux durent dans le presbytère pour faire beau. Alors ça, je peux dire quand même, ce qu'on n'a pas dit dans la pétition, son projet serait de garder la charpente, que tout le monde se reconnaît, ou du moins des éléments de charpente, ce que tout le monde reconnaît comme très beau dans cet édifice, et faire garder un auvent avec un côté quand même un petit peu historique au centre du parcours Potser, mais sans les murs, sans rien. Bon, ça nous laisse un peu perplexe puisque bon, l'exemple du Tio montre qu'effectivement, même si on veut garder quelque chose d'ancien, ben il faut être plus que délicat pour pas démolir tout ça. Et puis de toute façon, pourquoi le démolir alors que ça coûterait moins cher de le restaurer que de refaire ces types de travaux à notre sens. Voilà. Effectivement, ça a tourné. Les travaux n'ont pas été effectués. Et durant l'été, le maire était devenu beaucoup moins favorable. Il disait, oui, bon, ben, on a des gens dans mon entourage qui font pression en sens inverse. Oui, bref. Peut-être des intérêts inverses. Bon, bref. Allez savoir, on sait pas trop. Bref. On peut supposer, mais non, c'est la supposition. Et nous, on a entrepris, on a vu que c'était pas chaud. Et à partir de septembre, aux Journées du Patrimoine, on a commencé à avertir la population, à faire des lectures devant le presbytère, d'ailleurs, à donner un côté artistique, comme ça a été fait pendant plusieurs années par le Théâtre du Peuple. Et donc, on a fait un projet de tiers-lieu culturel. On a obtenu l'appui de beaucoup d'artistes professionnels et amateurs de la région, et bien sûr les associations d'histoire et de patrimoine que je citais. Puis on a fait, en voyant que c'était le 15 novembre, j'ai vu que le maire commencé à être mal décidé, si je peux dire, et je lui ai dit, on va faire une consultation. Bon, faites-la si vous voulez, mais ça ne changera rien. Bon, en tout cas, j'ai dit, ça permettra de voir le répondant. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a obtenu 187 réponses positives, 290 sur la région, et 187 à Busson même, mais surtout l'appui des associations importantes de Busson, de 9 associations importantes de Busson, 8 avec 8 plus nous, quoi. Voilà. Alors, ainsi que j'ai parlé des associations d'histoire, et puis aussi l'idée a été avancée de créer à Busson un lieu d'histoire locale qui manque totalement à Busson. Il n'y a pas cette mémoire. Le maire dit, tout ce que vous proposez, ça existe déjà à Busson. Oui, nous, on voudrait faire un lieu convivial, un lieu artistique, un lieu de rencontre, un lieu d'aide. Comme genre Ripper Café, en fait ça n'existe pas à Busson, bon, mais bon, et puis surtout tout est émietté, même la maison des associations ne permet pas, n'a pas une petite salle de réunion, elle est bien pour la bibliothèque, mais elle a une petite salle de réunion, et tout le reste c'est des salles de chaque association, mais il n'y a pas ce lieu central inter-associatif où on pourrait se retrouver. Ne serait-ce que pas plus tard que avant-hier, on voulait boire un coup à Busson, ben on a mal fou à boire un coup le soir, on ne sait pas où aller. Voilà, ça c'est un exemple. Mais aussi, il manque un lieu d'histoire locale. Ça a été souligné par la Sésame, et en effet, on a à Busson rien qui raconte l'ancienne frontière, le col de Busson, la voie romaine ancienne, le château légendaire de Mosello, sur lequel la Sésame s'est penchée, les anciennes mines de la région également, sur lesquelles la Sésame s'est penchée, l'histoire ouvrière textile et de la petite métallurgie Potser, de la petite métallurgie sur laquelle nous nous sommes penchés également. Il y a des tas de témoignages, des témoignages humains concrets autour du Théâtre du Peuple avec des restes de décors. Je parlais de Gingo, de tout ça, mais tout ça, il nous reste plus grand-chose. Et pourtant, Busson est le centre du Théâtre National Populaire, du nouveau théâtre populaire précurseur d'Avignon. Comme disait Frédéric Potser, Avignon est né à Busson. Et d'ailleurs, le presbytère fut le lieu où résida au XIXe siècle le fameux curieux abbé Morisot. Bon, on ne sait pas qui était un inventeur, un touche-à-tout, et qui fit creuser des mines d'or à la Quinzemus. Bon, en tout cas, il a laissé un souvenir assez particulier, et il a vécu là-dedans, dans ce presbytère. On pourrait évoquer sa curieuse histoire, je vois pas où ailleurs on pourrait le faire. Et Maurice Potser lui-même, il alla au catéchisme, là, bon, c'est quand même marqué. Et bien sûr, on peut toujours faire des salles ailleurs, mais le presbytère se prêterait particulièrement à accueillir une telle initiative. Et comme je disais, une demande de protection a été posée auprès de la DRAC Grand Est. Un petit peu de musique malgré tout pour se rafraîchir le gosier. Entre mourir et non mourir, j'ai pris parti pour la guitare. Que les étoiles aient brisé d'épouvante leurs doigts enfants. Avec qui faisais-tu l'amour sur le dernier répit du monde? Et rien n'épaule plus la vie où la paroi d'être se fend. Avec qui faisais-tu l'amour que ténèbres en fût si profonde? Quel souvenir de cruauté sers-tu donc? Quelle statue, fille à marin, putain du gouffre, entre tes jambes souveraines qui trouvent ta jouissance à la proportion qu'elle tue. S'il tremble, est-ce de ton plaisir ce pays d'épave sirène? Aux terres brunes, puisqu'il faut te donner ton nom à la fin, terre arocane, après quoi rien n'a plus destin que cendre ou poudre, terre de l'homme évanoui comme le verre après le vin. Terre de soif qu'aucune pluie assez n'apaise ni la foudre. Terre où mourir ne marque pas ni la douleur ni le sang roux, qui reste dévêtue et folle après les destructions faites et désigne au drame américain pour figure de proue. Ce faux semblant sur l'extrême abîme, une maison de poète. Une maison comme un jeu de cartes battu. Alors, on pourrait continuer, c'est très beau, c'est un disque continu de Hélène Martin qui sente Aragon. Hélène Martin, aussi une figure de la poésie et de la chanson. Je finis sur le presbytère. Dernier développement, un nouveau projet de sauvegarde dans une réunion avec le maire, le parc des Ballons et le CAUE, Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'équipement, devait être étudié le 25 janvier. Mais la réunion a été ajournée alors qu'elle avait été annoncée par le maire. Ma foi, il y avait un projet du parc qui complétait le nôtre, qui était peut-être plus professionnel, comme le fait le parc, mais ça s'est resté à plat, comme les réponses aux lettres des diverses associations sont restées sans réponse, au moins trois, à notre connaissance, qui ont écrit. Il y en a une quatrième qui veut écrire, mais bon, qu'est-ce que ça va donner? Bon. Le délégué des vieilles maisons de France, d'ailleurs, Jean-François Michel, après un courrier au maire non répondu, a publié une prise de position vigoureuse dans le journal, dans le Vosges Matin du 31 janvier. Je vous le lirai tout à l'heure, à la fin. Simultanément, l'association Recrée donc, s'est adressée au maire pour demander, dans l'attente des conclusions de la DRAC, je vous ai dit, on les attend incessamment, une réunion des associations locales pour réfléchir ensemble sur l'aménagement du cœur ancien de la ville, quelles que soient les orientations se dégageant de la réflexion. Donc on a déjà 9 associations qui sont dans notre soutien, les 502, des 187 signatures de Buisson, et maintenant sans doute dans les 502, il y en a beaucoup plus même. Le précédent invoqué, donc, et là, effectivement, cette réflexion, le maire avait suscité en 2008 une réflexion, alors que là, cette démolition a été annoncée très discrètement. On a appris comme ça, un petit peu, par la bande, pareil que le presbytère servait à stocker du matériel de diverses associations, et on a appris par l'une d'elles que le maire a demandé en octobre 17 de déménager. Alors c'est là que effectivement on a commencé à s'inquiéter. En fait, on a averti le Théâtre du Peuple, on espérait que le Théâtre du Peuple prendrait les choses en main, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans il avait botté en touche, et là il a recommencé à botter en touche, enfin du moins l'association du théâtre, bien que Simon de l'Étang nous ait dit que si l'association suivait, lui il suivrait, mais bon, voilà. Et ça a donc été, le théâtre seul avait des moyens assez importants, et c'est pour ça que quand on a vu que le théâtre s'y mettait pas, eh ben nous on s'est engagé avec nos moyens, mais notre huile de coude, et puis l'espérance quand même de beaucoup d'aide. Et par exemple, ça pourrait être aussi des chantiers participatifs. Et on souhaite effectivement que les instances régionales, le département, le parc, le CAUE, l'architecte des bâtiments de France, se mettent autour d'une table, ainsi que les associations locales, je l'ai dit, et les associations régionales d'histoire et de patrimoine, qui sont émues par le dossier du presbytère. Et bien sûr, maintenant peut-être même Stéphane Bern, la mission à Stéphane Bern en tout cas, qui s'y intéresse. Voilà, le collectif de sauvegarde du presbytère de Buisson a donc signé cette pétition, que vous pouvez retrouver, je vous le dis, sur Urgence Patrimoine. Et là, on vient de passer, à l'instant, là, tout à l'heure, vers 20h, les 502, ça devrait monter encore davantage, bien sûr, de jour en jour. Et d'heure en heure. Alors, qu'est-ce que disait Jean-François Michel? Jean-François Michel disait dans un article signé « Pourquoi cet acharnement ?» disait ceci. Jean-François Michel, délégué des Vieilles Maisons de France pour la région Grand Est, ne peut pas s'empêcher de monter au créneau pour défendre le presbytère de Buisson, vieux de 300 ans et qui risque d'être démoli. Pourquoi, Jean-François Michel, souhaitez-vous réagir? Devant le crime programmé de Buisson, je me sens obligé de réagir. Délégué des Vieilles Maisons de France pour la région Grand Est, j'avais commis avec mon épouse un livre sur les presbytères anciens des Vosges, une mise en garde adressée aux municipalités iconoclastes, vendre des particuliers, oui, mais en prenant un minimum de garantie sur les transformations extérieures futures. Quel est le risque selon vous? Ne pas entretenir est une absurdité désolante. Nous en sommes là pour le cas de Buisson, et la conclusion sera le coût des stocks final programmé en 2019. Sa démolition est actée, vous avez quand même encore un peu d'espoir. Elle a été repoussée à une courte majorité. À l'époque. La majorité des édiles, la sauvegarde, au conseil municipal. La majorité des édiles veut la peau de ce haut bâtiment à fenêtres à arcs segmentés et qui trône sans histoire au centre du village à 2 pas de l'église. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette volonté de faire table rase dans une région qui a perdu une à une les traces architecturales de son passé? Quelle est son histoire? Alors il rappelle cette histoire que le presbytère a été cette maison de cure au lendemain de 1789. Cette maison de cure du XVIIIe siècle, cette belle maison de cure, était une malheureuse cible. Elle fut à 2 doigts de destruction complète, mais elle a tenu bon, tout en devenant progressivement le seul élément ancien de la localité, ou presque. Enfin, un des rares éléments anciens. Alors, tiens, le maire y répondait dans cet article, je vais quand même re-répondre. Alain Vinel, maire de Bussan, n'a pas d'autre choix, selon lui, de démolir cette année le presbytère. Le bâtiment vide depuis 20 ou 30 ans est dangereux. Bon, il était occupé il y a 20 ou 30 ans par le curé, c'est moi qui précise. C'est une ruine squattée au milieu du village, c'est pas une ruine du tout, puisqu'en fait, il y a que quelques, avec quelques travaux, on pourrait le, il pourrait repartir pour 100 ans, disons, mais il y a des travaux, effectivement, d'amélioration à faire. Au bout de la rue, le camping. Bon, alors ça gênerait la circulation, mais en fait, le camping, on y accède par une autre route maintenant. On part de, par une autre route. Par deux autres routes, en fait. Le bâtiment est devenu, selon le maire, instable avec des tuiles qui menacent de tomber sur la route. Ça, on s'était engagé à les remettre cet été si on avait pu intervenir, si on avait pu avoir la convention qui nous était nécessaire par rapport à notre assurance. Sa réhabilitation est estimée entre 600 000 et 800 000 euros à peser dans la balance. En fait, nous, on a estimé à 20 000 euros dans l'immédiat et 120 000 euros sur plus de 2-3 ans, avec un appel effectivement beaucoup plus large aux bénévolats et au soutien quand même participatif et sans doute au chantier participatif. La commune a dû faire des choix. On avait d'autres bâtiments à réhabiliter, l'ancienne gare, l'office du tourisme, l'ancienne école de garçons, c'est effectivement l'ancienne école ou l'ancienne mairie. Appel le maire, sans autre solution que de démolir malgré des tentatives de sauvegarde. Ça, il fait allusion à nous. Un souvenir, des matériaux seront récupérés comme la charpente qui pourra servir à faire un abri. C'est là que nous doutons. Et voilà où ça en est. Et voilà donc cette histoire du presbytère de Bussan qui a besoin de tout soutien. Donc, urgence patrimoine, pétition, passons jusqu'à 600, 700, 1000, et etc., etc. Et faisons entendre la voix de ceux qui aiment le patrimoine, qui aiment aussi qu'un centre-ville comme Bussan garde et développe son caractère. Celui de la mer, tendresse, qui entourait de ses bras nus les marmots de retour de messe avec les pots de confiture. Vous savez, celui que l'on chante quelque temps après le départ, les yeux mouillants de lancinance, la parade de ses attaches. Non, ce pays n'existe pas. Non, ce pays n'existe pas. Il n'est ni plat, ni tourmenté, ni bruxellois, ni exotique. Je ne chante pas la clarté d'une cité géographique. Et je n'exalte pas les louanges d'une nation spécialisée. On fabrique de bons clients avec une bonne publicité. Non, mon pays n'existe pas. Non, mon pays n'existe pas. Je n'entends pas l'instrument qui a balancé mon enfance comme la branche au fond des vents, comme le sable du marchand. Je n'ai pas rangé ma mémoire dans des images nostalgiques. Vous savez, le palmier chez moi, c'était d'abord de la musique. Non, mon pays n'existe pas. Non, mon pays n'existe pas. Et je suis citoyen du monde, je le dis sans prétention, un peu comme on cherche une offrande, un peu comme on fait un enfant. J'aime serrer la main moite des indigènes les soirs pauvres, j'aime parler à ces albigeois qui crachent sur les natures mortes. J'aime le japonais hilar qui ne se courbe pas toujours. J'aime le cubain de Damas et l'argentin de Singapour. Non, nos pays n'existent pas. Non, nos pays n'existent pas. L'urgence est à la différence. Regard posé sur les autres, l'étranger qui nous dérange nous fait sortir de l'ankylose. J'en appelle à la mosaïque, loin des peines si lourdes à porter, loin des vieux sacs d'agneau pasqual, ces fronts nationaux et hontés. Non, mon pays n'existe pas, et effectivement, peut-être que notre pays n'existera plus, celui de Buisson, tel que 300 ans de génération l'ont connu. Alors, je vais passer maintenant, on est au printemps, j'oublie pas, mais c'est aussi le moment des annonces, un événement qui se passe demain, où votre serviteur lui-même va participer, ainsi que d'autres personnes qui sont du coin, qui vont se déplacer et qui vont participer à Contrexéville au Printemps des Poètes. Alors c'est le lancement demain avec un travail, atelier d'écriture particulier, en même temps que Ginette Hereau, une sculptrice, comme on dit sculpteur, sculptrice, va exécuter une statue. Vous savez que le thème du Printemps des Poètes, c'est la beauté, et elle va fabriquer en même temps une statue, en même temps qu'on écrit, qu'on lit des textes aussi, et qu'on va faire écrire les gens et créer de nouveaux textes en même temps que Ginette crée la statue. Ça se passe à 15h, c'est un peu loin mais ça vaut le coup, au centre Stanislas, à l'espace Stanislas, qui est l'ancien espace thermal, vraiment au centre de Contrex. Et c'est là où il y a le casino, tout ça, mais voilà, c'est facile à trouver. Voilà, et puis la semaine d'après, à la médiathèque, qui est un peu plus haut, au centre André Chédide, le vendredi suivant, à partir de 15h30, on recevra les gens pour écrire autour des peintures du peintre remarquable de Vitel Loizan. Je sais pas si vous le connaissez, mais allez sur Facebook aussi, allez sur YouTube, comme pour Ginette Hereau, d'ailleurs, H-E-U-R-A-U-X, et Loizan, L-O-I-S-A-N-T, et vous verrez, c'est magnifique, les deux, ces artistes-là. L'an dernier, on avait fait aussi une des textes en même temps qu'un peintre peignait un arbre ardent, une espèce d'arbre ardent, puisque c'était l'année dernière, c'était l'ardeur, cette année, c'est la beauté. Mais c'est toujours beau. Et donc, on y va demain, et j'en parle parce que j'ai rencontré une des poétesses qui y va, des lois, et qui était venue à la soirée que nous avons organisée à Guémozo, que Gilou, et puis Lou,

Jeanne d'Arc. Les filles ne sont pas pucelles dans ton cuir dominant. Tu attends toute frêle un canon, un ton, un macro, un Apollon, un puceau, un bourreau. Mais le prince charmant lui ne viendra pas. Merci. C'est donc Dichotomie qui est venue à notre après-midi, on les appelle les après-midi musicaux tous les premiers samedis du mois de RGM. Alors il y en aura un prochain le 6 avril, je crois. Mais je vais vous faire écouter Florent Kiffer, que j'avais annoncé tout à l'heure. Et là, je l'ai maintenant. C'est donc un curieux écrivain, spinalien à l'origine, je crois. Et qui a écrit sur la Méduse. C'est vraiment très, très, très étrange. On va commencer une petite chanson qui s'appelle Sur la toile, pour un hommage à ah ben. Non, il y a un petit. Ses gamins sur Le Bon Coin, par exemple. Quoi, jeunesse, le temps s'y va ici. On a déjà écouté, donc je trouve quelque chose. Peut-être une inversion, là, je vais voir. On va voir. Et loin, je te parle d'une sphère. Ah non, c'est toujours pareil. Bon, alors, Florent Kiffer, je le trouve pas. Il veut pas venir. Et pourtant, il était bien sous ce titre. On va essayer une dernière fois. Florent Kiffer et Jean-Nicolas Mathieu, Le Point sur la Méduse. Au marché de l'arnaque, de la femme, de la peste, de l'enfance, c'est selon. Il y a des animaux. Non, mais non, il y a eu. Mon cher Michael, peut-être une petite erreur, c'est pas grave. Je le retrouverai. En tout cas, c'était génial. Voilà. Florent Kiffer, La Méduse. Moi-même, je l'avais enregistré par ailleurs, mais c'est pas préparé. Et je préfère vous en donner une bonne version. Voilà. Je vais quand même vous faire écouter maintenant, et je pense que ça va marcher. Serge Pasquale, qui est venu faire une émission hier, et qui lui annonce une. Serge Pasquale, c'est un ami à moi aussi, qui est acteur et qui a interprété Rimbaud dans une pièce que j'ai écrite et qu'on jouera d'ailleurs au Mines le 19 mai et puis le 10 juin au lac de Blanche-Mer. Et Serge Pasquale a donc préparé ce spectacle qui sera donné à la médiathèque, entrée gratuite mais au chapeau en fait. Ça s'appelle La Nature n'a pas besoin de nous. J'espère que. Alors, il y a quatre séquences. J'espère que je vais bien les avoir ce coup-ci. Parce que là. Ou alors c'est moi qui sais pas. On se tombe toujours sur notre ami Dichotomie. Hein. Allez savoir. Pourquoi. Crois-tu que les âmes sœurs sont faites de. Bon, ben, c'est toujours Dichotomie. Et encore une fois, Serge Pasquale. Je suis la forêt tropicale. Je les ai regardés grandir ici. Ils sont partis. Mais ils reviennent toujours. Oui. Ils reviennent toujours. Pour mes arbres. Leurs bois. Mes plantes. Leurs remèdes. Pour ma beauté. Leur évasion. J'ai toujours été là pour eux. Et j'ai été plus que généreuse. Parfois, je leur ai tout donné. Perdu maintenant et à jamais. Mais les humains sont tellement intelligents. Tellement intelligents. De si gros cerveaux. Et des pouces préhenseurs. Ah, ils savent fabriquer des choses. Des choses formidables. Désormais, pourquoi aurait-il encore besoin d'une vieille forêt comme moi? La jungle? Les arbres? Eh bien, ils respirent de l'air. Et je produis de l'air. Ont-ils pensé à ça, les humains? Tellement intelligents. Ils trouveront une solution, les humains. Produire de l'air? Ce sera drôle à voir. Voilà donc une séquence, et puis je pense que je vais en avoir une autre, et non pas dichotomie, qui est sympa, mais Serge Pascual 4, j'appuie là-dessus, et je passe. Tant pis, un petit problème technique là, qui me dépasse, mais... C'est joli, mais on l'a déjà vu. Alors, on va essayer Serge Pascual. Hein ? Je suis la forêt tropicale. Oui, tu l'as déjà dit, Marie-Noël, c'est bien. Mais donc... Ils reviennent toujours. Oui. Ils reviennent toujours. Pour mes arbres. Leur bois. Mes plantes. Leur remède. Pour ma beauté. Leur évasion. J'ai toujours été là pour eux, et j'ai été plus que généreuse. Parfois, je leur ai tout donné. Perdu maintenant et à jamais. Mais les humains sont tellement intelligents. Tellement intelligents. De si gros cerveaux et des pouces préhenseurs. Ah, ils savent fabriquer des choses. Des choses formidables. Désormais, pourquoi auraient-ils encore besoin d'une vieille forêt comme moi ? La jungle ? Les arbres ? Eh bien, ils respirent de l'air. Et je produis de l'air. Ont-ils pensé à ça, les humains ? Tellement intelligents. Ils trouveront une solution, les humains. Produire de l'air ? Bon ben on l'a déjà entendu, c'est très bien. Et j'arrive pas à voir les autres textes, pour des raisons... Je me souviens. La pluie coulait le long de mon visage. La sensation était agréable, douce, juste humide et légère à la fois. Un sourire s'esquissa sur mes lèvres, mes yeux emplis de cette lueur qui vient juste avant le crépuscule. Mes poumons, légers, laissaient circuler un air apaisant. Le vent me portait, me faisait presque oublier le fin ruissellement sur mon visage. Je marchais, et marchais encore. Non, je ne rêvais pas. Je marchais, et marchais encore. Tant que je le voulais, tant que je le pouvais. Profitant de ce moment lisse, libre de mes pas et de mes mouvements, où mon esprit n'avait plus peur. Vous savez, cette peur qui ne vous lâche pas. Alors je continuais, débarrassé de tout ressenti oppressant, de tout bon sens, de toute réflexion adaptée. Oui, toutes ces ruines autour de moi, pour la première fois, je les regardais. Elles me paraissaient différentes. Les derniers rayons de soleil les traversaient, les contournaient, les transformaient. J'étais face pour la première fois à un spectacle surprenant. Beauté de ces pierres baignées de lumière, enchevêtrement de métal, de béton, de... structures inattendues, émergeant de halos de fines poussières aux parfums spécifiques, oubliant les horreurs endurées, les corps déchiquetés, les larmes depuis trop longtemps écoulées, laissant, mélangés à la poussière, ce triste maquillage sur les visages des femmes, des hommes, des enfants. En tout cas, ça vous donne un bon aperçu de ce spectacle

Bien sûr que ça se conçoit une méduse dans le grand jeu inaugural. Logique même. Et je vais te dire, même avant. Avant la terre et le soleil et tous fourbis. La méduse de l'espace. Je dis, osons la méduse de l'espace. Il faut oser la méduse de l'espace. La même, mais dans l'espace. Qui flotte, mais version cosmique, dans le cosmos. Même tentacule. Même transparence, même petit air énigmatique. Voilà, je flotte, mais c'est l'espace. Je paye ton apesanteur. Paye tes rayons gamma. Paye ta comète qui passe. Paye ton ovni. Paye ta flottaison sidérale. Dans ton système pas tout à fait solaire. Dans le palais de tes presque planètes. Paye ton tout petit paix d'hydrogène. Paye ton Big Bang. Paye ton Fiat Lux. Paye ton Néo. Ah, c'était Florent qui fait à la Méduse dans nos samedis après-midi de RGM. Bah, tiens, j'ai quand même retrouvé le Serge Pasquale, quelques bouts qui sont passés que j'ai pas dû vous passer. On va essayer, hein, sans filer. Bon, Serge Pasquale qui fait donc le spectacle samedi prochain avec Marie-Noël et puis d'autres acteurs, mais surtout eux deux en 10 heures, à la médiathèque du Thiot. Turn up the bass. Pétrole. Pouvoir. Manipulation. Pétrole. Exploitation. Minerais. Hommes, ressources. Pétrole. Jouissance extrême. Pétrole. Pollution rentable. Bénéfique. Pétrole. Gouvernement, pion ridicule, soumis, malléable. Pétrole. Conflit, destruction, extermination. Cette mondialisation. Pourquoi ? Même pas elle sait que j'existe. Je m'en moque. Ce soldat qui traverse ce champ de bataille, il laisse. Il combat pour cette, pour des intérêts, pour aboutir à ces pollutions. ignorée, ignorée de tous ses intérêts. Blessé, il va prendre conscience qu'il se bat pour des intérêts qui souillent tout ce qu'il y a autour de lui. Alors il décide de déserter. Voilà, donc un extrait de ce spectacle. Je pense que je vais vous en avoir un autre. Autre que les séquences que j'ai passées tout à l'heure. Voilà. Bonjour. Qui es-tu ? Je suis le pêcheur de lune. Ah ! Et toi ? Moi ? Je suis né d'un poème de Rimbaud. Ah ! Ouais. Et comment t'appelles-tu ? Je ne m'appelle pas. Je suis un bateau. Un bateau ? Oui, pêcheur de lune. Je suis le bateau ivre. Et toi, pêcheur de lune ? Moi, rien. Oh, comment rien ? Oui, moi, je pêche. Ah ! Je pêche au clair de lune et n'attrape rien, puisque je ne suis rien qu'un pêcheur de lune. Oh là ! Oui, un pêcheur de lune. Alors je pêche. Je la vois, elle me parle, et je plonge mon fil délicat dans son reflet. Alors je pêche. Mais c'est très beau ce que tu me dis, pêcheur de lune. Moi, bateau ivre, je vais t'emmener. Où m'emmènes-tu ? Eh bien, viens. Nous allons découvrir le monde, petit pêcheur de lune. Monte ! Et eux, c'est qui ? Ah ! Tu les perçois ? Non. Je les vois sans les voir, mais je les entends. À eux, ce sont les musiciens qui ont guidé ma plume. Mais la plume, c'est fini. Mais c'est pour ça que tu peux me lire. Alors, écoute. Enfin, bref, ils vont nous accompagner. C'est beau. Alors d'accord, je viens. Merci, petit pêcheur de lune. Voilà, en fait, c'était peut-être cette séquence qui était la première. En tout cas, moi, qui connais un petit peu l'itinéraire de Serge Pascoale, c'était le démarrage, la première version, là. Après, ça, c'est ce développement dans une certaine apocalypse. C'est pas sans rapport aussi avec la Méduse de Florent Kiffer. Donc, Serge avait fait encore d'ailleurs dans Chemin de Lisière, Champs-Alysées cette année, qu'on jouera à Blanchemer, qu'on jouera aux Mines le 19 mai, le 18 mai, et qu'on jouera à Blanchemer le 10 juin. Donc, il faisait Rimbaud. Et là, ça lui a fait démarrer, dans le bateau ivre, ça lui a fait démarrer cette création poétique à lui. Et voilà, donc, c'est dans un spectacle qui s'appelle, donc, La nature n'a pas besoin de nous. À voir si elle n'a pas besoin de nous, en fait. Je pense qu'elle en a besoin, mais à découvrir, donc, samedi prochain, je vous le dis, à la médiathèque du Thiot, 20h30. C'est gratuit, mais c'est au chapeau pour aider tous les frais que ça comporte. Tiens, voilà, je vais encore passer un tout petit peu de musique avant la suite, qui sera le festival de poésie d'Oran l'étape. En fait, la première étape qui était à Gérardmer, avec des poètes qui lisaient des poèmes aussi. Et on est dans une soirée poétique. Je vous rappelle qu'on arrive au printemps des poètes là. Tiens, puis en même temps, je jette un coup d'œil. Sur la pétition, elle monte, j'avais dit 502 tout à l'heure, on en est à 507, est-ce que c'est grâce à Guémozo, peut-être, grâce à l'émission, peut-être, 507 maintenant, continuer, ce n'est qu'un début. Continuons la pétition. Tiens, je pense que je vais passer Julius Bocarne si j'arrive à l'attraper. Je suis le serrurier magique, maison fondée en 1900. Souvenez-vous de la marque de fabrique, les imitateurs sont fréquents. Un pincement, seigneur, si pratique, ouvre les cœurs en un instant. Les portes de prison abdiquent face à nos passes, partout puissants. De lime, monsieur le maire, voilà la clé du parlement. Amoureuse, ne sois pas amère, voilà la clé de ton amant. Si tu ne résous pas l'énigme, te l'ouvrirai à deux battants. Si tu veux changer de régime, je te donnerai la clé des champs. Tiens pour ta symphonie, j'ai des clés de sol, du thé de fin. Si tu es au bout de ta vie, avec Saint-Pierre, j'ai un contrat. Si tu songes à ta belle amie, la clé des songes, la voilà. Si tu joues dans une tragédie, j'ai le sésame, Nirvana. Venez tous dans ma boutique et voyez mon artisanat. Je lime, je frappe et je débite des clés en vrac pour tous les cas. Même des assistantes sociales sans solution viennent vers moi. Psychologues et femmes fatales se déguisent en pilleux. Chip mon carquois. Allons mon vieux, ne fais pas la mine. Ne joue pas ton petit Saint Thomas. Choisis ta clé, oui je devine. Dans mon trousseau tu la trouveras. Un emballage cadeau d'office. La maison ne recule pas. Et ce n'est pas un sacrifice. On donne en prime le mode d'emploi. Le serrurier magique, maison fondée en 1900. Souvenez-vous de la marque de fabrique, les imitateurs sont fréquents. Nos pinces, monseigneur, si pratique, ouvre les cœurs en un instant. Les portes de prison abdiquent face à nos passes, partout puissants. Julius Bocarne, le serrurier magique, encore de la poésie. Bon, maintenant, je vais vous amener à Gérard May, c'était il y a 8 jours, et c'était le prélude, en fait, au festival de poésie de Rouen-l'Étape, qui se déroule après le printemps des poètes, mais avec donc des animations un peu partout. C'était à Saint-Dié il y a 15 jours, c'était à Gérard May la semaine dernière, après ils se retrouveront un petit peu partout avec des lectures faites... notamment là, samedi dernier, c'était avec les gens des éditions Aspect, Daniel et Jean-Michel Marche, et Nadine Ronsin. Alors on va écouter ceci, quelques extraits en tout cas, assez conséquents quand même. Voilà. Nous sommes venus pour une lecture qui normalement se fait à 4 voix. Christelle Desboux qui a des problèmes familiaux. Donc vous n'aurez droit qu'à 3 voix de lecture sur des textes extraits de ces recueils, entre autres, sur les 11 poètes qui sont invités dans le cadre du Festival de la Poésie de Rouen-l'Étape, qui aura lieu du 13 au 19 mai. Enfin, c'est surtout le week-end, vendredi soir, avec une soirée cabaret, le samedi et le dimanche, qui sont les points forts. Là, il y aura des interviews des poètes, des lectures diverses. Bonsoir. Non, c'est pas grave, on ne peut pas vous présenter, voilà. Donc, on remercie la médiathèque de Gérard May de... nous accueillir aussi bien d'ailleurs. Et puis, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Donc, c'est un peu pour mettre dans l'ambiance de rendre hommage aussi aux poètes qui sont invités, puis pour mettre un petit peu dans l'ambiance poétique qui devrait régner donc à 7 mai. En fait, c'est vous. C'est pour vous inciter à venir. Ben oui. C'est pas le déclaré. T'as pas reconnu. Non, des fois je me déguise. C'est juste la semaine précédente. Je connais, mais. Voilà, c'est pour ça. Normalement, ça devait être tout à fait voilà. Fermé et ça a été avancé à cause des élections européennes. Empêcher les gens d'aller remplir le. Mais quels que soient les résultats, ça ne changera rien pour nous. Musique ? Oui. Je sais pas. ça va peut-être pousser la porte. Il y a trois sortes de poètes. Ceux qui parlent aux mots, ceux à qui les mots parlent, et ceux qui sont les mots. Il y a trois sortes de poèmes. Ceux qui portent les mots, ceux que le mot porte, et ceux dont les mots sont des portes. Un poème s'endort comme un mince reflet qu'un lambeau de lumière semble emprunter au ciel. Un poème ? Peut-être. Un clin d'œil de la vie ? Sûrement. Il n'y a pas de différence entre les mots qui coulent en moi, dans ma mémoire, dans ma présence, et les traces du vent sur les jardins ébouriffés, les forêts qui m'entourent et les grandes roses trémières qui grimpent ostensiblement à l'assaut des journées pluvieuses. Un poème s'éveille quand un autre s'endort, quand mon regard s'appuie sur les flancs apaisants de la montagne bleue, tellement bleue qu'il faudrait des milliers de rêves d'amour pour égaler sa gloire et entendre les confidences que lui font les brumes hésitantes et les brises où les fleurs ont fixé leur parfum. Tout tient dans l'avenue. L'avenue du vent, de la vague, et aujourd'hui l'avenue du poème qui vient de l'avenue du vent, de la vague. Ô solitude, l'île est survivre à ce vivre qui tangue à hauteur d'écriture. Chemin giboyeux, des anciens lus sous la lampe et façonnés en nos mains, comme un désert s'irrigue. Lame d'eau après lame d'eau, fin stylé, leur sculpture, leur creux dans le marbre ou le sable, sur la peau irradiant les veines. La poitrine du lecteur soulevée, son haleine, les lèvres qui s'entrouvent, le mot partagé, écho, vague de soutènement dans l'océan. Ses rives bues quand le livre, couverture et nervure pressées sous le cuir, tanguent autant que le lecteur dans l'espace et le temps d'une fraîche buée. Son lin, sa suée de traîne, solstice, et demeure d'un soir de paix à l'avant des batailles. Ce que j'ai vu, je l'ai écrit, comme la pluie sur les vitres et les larmes des roses, et tout ce que j'ai oublié demeure là, dans ce grand sac de voyelles, posé contre le pied de la table, où le temps passe entre ma vie et moi, sans blesser personne. Quand plus rien ne chante au dehors, je puise dans le sac et sème sur la page un peu de poussière d'oubli et le jour paraît comme un musicien qui tend son chapeau. Le poème est un oiseau qui a du mal à se poser. La pierre est un oiseau qui a du mal à s'envoler. Le poème est une eau vive sous la peau. La pierre est l'eau dormante des étoiles. Rien de plus entêté qu'un poème, rien de plus obstiné qu'une pierre, sauf peut-être la beauté debout d'une fleur. Le poème est le chant de ruine du temps, la pierre est le chant de ruine de l'espace. Le poème et la pierre sont des joueurs de dés qui ne connaissent que l'avalanche. Le poème est la blessure d'une blessure plus ancienne. La pierre est la leçon de cette patience. J'écris pour donner du fil à retordre à ma folie, à la parole sonore de la légende, au grand appareil de la terre qui fait clameur, blocus sentimental. Je me tais. quelqu'un appelle. On se venge en se taisant. Je suis encore à la recherche de ce pays. Je scrute ses vertiges. J'écoute le prolongement d'une note éteinte. Les escaliers qui montent ne vont nulle part. Ceux qui descendent sont infinis. C'est le quatrième mur de la solitude. On a remis à nu la pierre teintée du perron. Les roses fleurissent. L'automne, le navire du couchant, rougit les vitres. Flamboie la vigne vierge sur les parois. Le silence creuse des nacelles. File la soie verte des fleurs et des feuilles. En désordre dans l'allée forestière. La langue bat contre le cœur. C'est maintenant. Oui, cette langue de parole, au fond du souffle, à l'intérieur, là, dans les trous du vocabulaire, cette langue de chair vient lécher tous les mots, elle les soulève vers cet oubli seul qui les rassure, qui les reconnaît. Ton poème est la grammaire de leur visage, la ponctuation de leur langage et le masque de leurs yeux. Quand leurs corps se sont effacés dans le jardin de ta mémoire, ton poème leur redonne la voix et le goût de la langue. C'est le murmure du sang qui te fait vivre et te fera mourir confiant. Quelque chose peut-être est monté du rien, qui plane sur les tueries, comme de l'air sans prétendre au chant, comme on ôte son chapeau en entrant sans rien où l'accrocher. Quelque chose qui ferait qu'on entend un caillou en le touchant, et qu'il chante au-dedans autant que le vent au-dehors. Qu'on sache qu'un poème se tient là pour le dire, afin que dure indifférente la stupeur et la beauté qui doit tout à nos regards. L'attente du poème a ses chemins inconnus. Quelques mots nous devancent. Faire confiance à leur talent d'éclaireur. Quatre vers ont frappé à la porte. Le monde s'est ouvert de multiples visages, offerts en pluie d'instants, en soleil durable, sur le déploiement des collines et des plaines. L'enfant s'y demeure à rêver dans la nuit d'une humanité douce, où la poussée d'églantine triomphe du chaos. Quatre vers ont suffi pour prendre par la main les mots qui venaient des sources et s'ébrouer sur la rive dans l'ignorance des chemins de clarté, des arbres tutélaires. Ces quatre vers, je les porte en grand mystère, talisman et sésame. Ces quatre vers, ils frémissent comme feuilles sous le vent, cœur battant, jamais lassé, de remercier. C'est toujours pareil et ça n'en finit pas. Toujours cet enfant, le plus tendre, le plus maladroit pleure, et tu ne sais comment le consoler. Tes bras sont impuissants. Tu ne sais que faire et tu mêles ta douleur à la sienne. Cet enfant qui survit en toi, tu lui donnes la main, mais il résiste à suivre ton allure. Son pied fragile encore, meurtri par le sol trop rugueux. Oh, cet enfant qui inscrit sur ton existence, ainsi que le soleil sur la rivière, des taches de clarté, tout un jeu d'ombre et de lumière que traverse, sans les emporter, l'eau qui passe. À 10 ans, on a l'éternité sous sa casquette, et la mort est littéraire, ni plus ni moins, couchant sous la poussière des bibliothèques, un passé d'infortune et de cris dérisoires, tandis qu'on vole au secours d'une étoile qui nous parle à voix basse au milieu du pommier. Ce qu'elle veut, nous n'en savons rien. Il suffit qu'elle soit, puisque nous sommes conquérants. Les murs s'écroulent, les greniers rendent gorge, et l'horizon s'écarte avec les oiseaux. C'est dans l'ordre, puisque nous avançons. Et sur le ciel, nos pas précèdent les nuages qui vont mourir au fond des terres. Dans l'ordre aussi bien qu'un jour, les murs relèvent le ciel et nous dépassent, que les greniers pleins de rêves nous époumonnent, et que l'horizon dans notre dos referme ses portes pépillantes. Oui, dans l'ordre assurément, qu'une autre étoile nous prenne par la main et nous emmène. Ce qu'elle veut, nous le savons bien. Il suffit qu'elle soit, puisque nous sommes désarmés. Et nous couche dans son lit, où nous perdons, avec notre casquette, l'éternité qui roule hors les murs et n'amasse que le vent. Une voix d'enfant secoue la poussière, essuie la pluie des heures, poursuit un mot dans les recoins du jeu, l'étonnement du sens. Les ombres investies de transparence fondent dans le chocolat chaud, dans des fous rires de croissants. Avec des craies de couleur, le monde trace son unique contour. Les enfants inventés sont jouets des jeux, que la froideur de cette grand-mère peu connue, teintée d'une tristesse cachée dans ce jardin dénudé, sous l'étonnement qui remplissait leur cœur, où ils remontent encore par blocs isolés, durcis, dans le parfum des buis, aussi résistant que les regrets. Quiconque se tait en silence derrière la vitre, sans les villages sincères qui méditent. J'avais perdu le trésor qu'on trouve en dormant. J'avais perdu le vêtement d'éternité de la Saint-Martin. La vie simple, le cri d'épervier. Le libre choix de choix rend où périr dans la maison de bruyante mort des rêves de pentamère. Des fois d'osmose, des fois d'éloignement. C'est vrai que je criais dans le noir pour te retrouver. J'étais l'amertume de mauvais sens, roi oral éparpillé, seul au point du jour. La quête pressée d'un ailleurs m'a vêtu de manteaux de pluie, de trucs, de choses étranges, de manie d'étoiles, d'un péché de gloire sur la grève. Quel cri me creuse, un père qui pleure, un frère qui meurt. Elle était là quand on rentrait, la mère. Elle était là, assise au beau jour dans la véranda, en hiver, dans sa cuisine, où elle ne lisait plus que les poèmes qu'elle aimait. Sa cuisine où elle tentait, avec patience, de recoudre quelques boutons qui résistaient à ses doigts engourdis et à sa vue mauvaise. Elle était là, toujours. Il suffisait qu'on la voie pour être rassurée. Elle aussi. Elle était là comme étaient les iris, les dahlias de ses jardinets, simple, avec un sourire ou, parfois, une sorte d'épine dans le regard. Elle était là qui posait à la nuit tombante cette obscure et austère question. Encore combien de temps ? D'un repas à l'autre, et la semaine et le dimanche, elle court après ses mains. « Je les aurai la nuit, dit-elle, je les rattraperai. » Mais la nuit les emporte loin d'elle. « Je les aurai un jour, dit-elle, je les rattraperai. Un jour qu'il fera noir pour moi, un jour qu'il fera outre-jour. Et l'amour seul dira si je les ai trouvés. » Ariane, mère grand, vers quelle Espagne as-tu couru? Quel pays as-tu connu? Quel Alhambra? Quel parfum, quel poète as-tu chanté? Quelle langue plus gutturale que loque ta voix a-t-elle cassé? Quels enfants as-tu nourris? Où est ce fil que tu tends dans lequel on se perd, on s'embrouille, les chevaux de laine qu'on tenait si mal, raies d'un filet dans l'olt, empégué? On a peine à retrouver les paroles que tu avais apprises. Où est cette grange de mots, cette malle? Dans quel improbable grenier? On n'a rien su puiser, ni les livres, ni la faux, ni la bêche. Brève image basculée dans le temps. Non, pas une sainte, une simple, pleine d'usage et de savoir. Ton front rayonne, mère, qui savait écrire et donner des leçons, domestique dans les champs. Tes mains, fermes et douces, tes mains cuisinières, tes mains brodeuses, tes mains couturières, toujours occupées à quelques tâches. C'était péché, coisiveté. J'admirais ta nonchalance active. Tu ne courais jamais, après un lait qui déborde, un rôti qui brûle, des pâtes trop cuites, un soufflet qui s'essouffle. Aucune catastrophe culinaire. Tu avais du temps, une mesure si juste, une telle disponibilité à tout ce que tu entreprenais. Tu officiais avec grâce, avec cette façon de déjouer ce quotidien qui te serrait de tous côtés. Si difficile de dilater le temps pour laisser place à quelques rêves. Juste mesure du temps pour les douces mains ouvrières vouées à tant de tâches afin de serrer au mieux un quotidien inapte à toute oisiveté, si peu de place aux rêves. Elle boit la lumière au bord de la rivière, la jeune fille oubliée par le temps. Elle sera ma mère, mais ne le sait pas encore. Ses gestes sont confiants. Elle traverse les eaux longues du lent mouvement de ses bras, gagne l'île aux roseaux, sans penser aux conseils de prudence qui, plus tard, glisseront de ses lèvres. Grand est son désir de se mesurer au flot qu'elle défie sans crainte, sans l'hydre d'épouvante dont elle tordra le cou plus tard tant de fois. Tant de femmes en elle sont à naître dans ces jours fragiles de 1939. La rivière roucoule sous le pont, les algues, les feuilles tombées laissent passer sa jeune gloire rieuse. Non, je suis trop près. Vas-y. Cueillir le son du ricochet, puis rêver avec les ronds dans l'eau à l'expansion de l'univers. Peut-être parce qu'on en vient, et sans doute y retourne, l'eau est ce qu'on imagine le mieux. Les rivières viennent-elles de la montagne, ou les pluies les abreuvent-elles comme des puits? Les eaux s'assèchent-elles avant qu'on leur donne un nom? Le nom d'une rivière perd-il ses eaux à la saison sèche? Le lit de la rivière reconnaît-il ses eaux quand vient l'hiver? Les fleuves ont-ils vraiment une source ou se perdent-elles dans les mousses? Sommes-nous comme les eaux courant à travers les champs? Les eaux délivrent des alluvions et nous, qu'apportons-nous à la mer? L'océan ne prend pas la couleur des limons. Il ne sait pas manger les rivières qu'il avale sans les connaître. Tous les noms de ma vie sont des panses, d'écume et vive haut sur les vagues, galée s'imprégnant du sel écrit en courant le vent. La résonance, la pluie des syllabes d'acier venues de l'encrier, de l'océan, comme mer ratissant les grèves. Mais prononcer ce « oui » sur une robe d'épousée, sa ramure de chair, son boisseau de jeunesse liquide, enchanteresse devant les yeux de l'autre, le secret de la nuit les enroulant sur la pelle de la beauté, le don, c'est prendre le chemin du fleuve, le passé en amont et la route en aval. On a longé tant de rivages, suivi des yeux tant d'oiseaux. Est-ce en nous maintenant que la mer se retire et que bat des ailes notre propre cœur? Cette nuit, ma farouche, la mer est plus forte, plus libre, plus longue les marées que la cohorte de camions qui peinent à l'assèchement du Zuiderzee dans le polder de l'âme et bascule parmi l'écume les sacs de sable près de la digue du ciel. Cette nuit, l'ange n'a plus besoin d'elle. On dit qu'il pousse vent debout son vélo jusqu'au bout de la ligne d'horizon. Cherchant quelques merveilles, une vie où l'on part de l'autre côté, au loin jusqu'à l'infini. Une vie toute d'imagination qui trace sur la mer une route improbable, mais de grande espérance, comme une traversée qui n'aura ni escale ni repère, sinon le passage de squales ou de requins blancs, et souvent la tempête, puis l'espoir et l'attente des vents. Il avait espéré de grandes plages, de l'encens, des bijoux d'Orient, dans ce voyage circulaire, cherchant quelques merveilles pour sa reine, désireuse d'une route plus sûre, un chemin qui serait la preuve de sa puissance, à la proue de sa nef, dans le demi-sommeil d'un capitaine heureux, Colomb rêvait. L'eau, son puits étrange où tombe le jour, une matière crie vers l'abîme, engendre son obscurité. La nuit a dégrafé le vent, tu cherches ce qu'elle retient. Tu roules dans ce sillage, tu vas dans le secret, tu vas plus loin. Sans fin s'avancent les vagues vers la grève, sans fin en tous sens bateaux, oiseaux, nuages, palmes et branches dans le vent se balancent. Seul immobile, la ligne d'horizon, bande de brume entre le bleu de la mer et le bleu du ciel, où insiste l'énigme des lointains, tandis que s'avance le soir. Les années-lumière se parcourent millimètre par millimètre. Entrer dans la minuscule galaxie du coquillage, se faufiler entre les stries, s'installer quelques minutes bien à l'abri dans la coquille d'escargot de l'univers. Un livre déborde toujours sur un autre livre. Pourtant de livres comme un village seul, il n'y en a pas. Solo des berceuses, c'est mourir de partir et la tendresse des yeux du retour. Rentrer chez nous, chez soi, la vie qui est là, les aimés, les vivants, le soleil rocailleux des voies, là-haut, dans le radeau de verdure, beaucoup étaient analphabètes. C'est dans leur occitan que j'ai compris les lettres, les libellules lectrices des fougères, ce combat de la voix jetée à main nue dans l'échelle des sons qui avance à hauteur graduée du tourment. À chaque instant bâti sur l'angle de la peine, un règne de merveilles naturelles, les maisons fleuries d'orchis sous les tuiles faîtières rouges. Ce que je voulais toujours avec toi, c'est partir et que la terre recommence sous un autre jour, avec une herbe encore nubile, un soleil qui n'appuie pas trop sur le cœur. Et puis du bleu tout autour, comme un chagrin qui se serait lavé les yeux dans un reste d'enfance. Et que le temps s'arrête comme quand tout allait de soi. Tout. Quand partir n'était encore qu'une autre façon de rester, comme l'eau dans la rivière, les mots dans le poème, et moi, toujours en partance, entre l'encre et les étoiles, à rebrousser sans fin le chemin de tes larmes. Tu pars, tu quittes les années closes, les pas précipités, les coups du sort ancien. Tu mets en caisse et carton mille choses qui bourdonnent de récits, de paysages, de maudits, de mots écrits, de mots souches en sol fertile. Tu emportes aussi l'envers des larmes, les taches de sang qui colorent le jour d'un éclat durable. Peut-être que si nous avions cru en ces mots noirs, ces soleils coupés, nous ne serions pas où nous sommes comme des petits malappris, avec la mer sur les bras, pareil à des coquillages ouverts, des coffres vides, à regretter un simple carré de pluie que broutent en silence des animaux sages, vaches, moutons, et nous-mêmes quand les collines avaient saoulé nos pas et que bercés par le vent dans l'herbe, nous répétions sa leçon. On ne part pas. C'était donc la première séquence de ses lectures de poésie à Gérard May, prélude en fait au festival de poésie de Rennes-l'Étape qui aura lieu en mai. Voilà, on va y revenir tout à l'heure à la fin. Le final et le débat un petit peu avec le public, ainsi que la présentation du festival par Marie Vincent, présidente de celui-ci. On voyait les chevaux de la mer qui fronçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux trahis en amant, ni gris, ni fer, ni gris, ni fer, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tourgeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière ou la servait. Bien avant qu'on en redemande, oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie, et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est allé bras dessus, bras dessous, dans le quartier où il y a des vitrines, de présence féminine qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus se sont perdus, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Et à... Donc, la fin de cette prestation avec la présentation du festival et un petit peu le débat du public. Richard, je t'entends dire des poèmes. C'est la nuit dissipée, c'est le jour délivré, le temps presque visible au cœur de l'infini, les champs confiés au ciel à ses reflets, ces vagues de nuages. C'est le chemin qui va et vient sous nos souvenirs emmêlés. C'est une chambre emplie de rumeurs indéchiffrables, mais si douce, si pleine d'un ailleurs qu'il ne faut pas nommer, de peur que d'inhumaines voix, de froids renoncements ne remplacent nos chants, nos luttes, nos élans, Richard. Il y a du feu léger qui veille pour nous. Il y en a dans chaque paysage qui accroît nos regards. Il y a dans tout ce qui nous manque, dans ce qui se dépose à notre insu dans notre vie. Richard, dis toujours des poèmes. Les mots sont des sources, des clés. C'est magique. Voilà. Merci. On vous remercie beaucoup de votre attention. Et de votre patience. Merci. Vous avez des questions à poser peut-être, parce que c'est vrai qu'une heure c'est assez dense avec des différents poètes, extraits de différents recueils. Alors n'hésitez pas, donc les recueils sont sur cette table. Nous serons accompagnés par des musiciens à partir de maintenant, voilà, pour les autres prestations. C'est beau, presque. Alors, c'est vrai qu'on ne vous a pas donné tous les noms des poètes. Oui, qui c'est volontaire. Il y en a un que vous avez vu quand même. Hein, celui-là, vous l'avez vu. Hein, y a pas, oui. Les autres sont timides. Richard Renier s'est écrit en tout petit. Il y a Richard Renier, que certains sans doute connaissent bien. Oui. Donc, c'était Les frôlements infinis du monde. Et puis il y a aussi dans les méandres des saisons. Vous avez peut-être reconnu du Guy Goffet aussi, La vie promise, et Petit rien pour jours absolus. Les textes sur les rivières sont de Bernard Fournier. Et les textes, oui. Sur l'enfance, parfois de Daniel Cor aussi, qui a écrit beaucoup sur l'enfance. Pas si vous en êtes rendu compte, mais c'est vrai qu'il y a eu des thématiques finalement. Oui, bien sûr. La mer dans les deux sens, la conception. C'est vrai que il y a aussi pas mal de textes qu'on a fait souvent en plusieurs voix. Ce sont des textes extraits de ce petit recueil qui s'intitule Jardin public, où Patricia Castex-Meunier parle des jardins publics de Paris. Avec beaucoup d'humour, de gravité parfois. Mmh. Et on ne s'ennuie pas dans les jardins publics. On aime beaucoup ce qu'elle fait. Ce sont de tout petits textes qui commencent souvent par un seul mot. Elle est venue d'ailleurs présenter ces textes-là au lycée Villapique, il y a deux ans ou trois ans. Et les élèves lui ont demandé, mais pourquoi il y a un mot pour commencer. Elle dit, bon, je suis une grande marcheuse, donc c'est toujours le premier pas qui compte. Pas qui coûte, mais qui compte. Donc, voilà, il a... Il y a beaucoup d'extraits, on ne les avait pas mis là, mais de Béatrice. Extraits de Béatrice François Marchand, qui est là, de François. Toi qui est là. Oui, il y a Daniel, bien sûr. Nous deux en même temps, nous sommes éditeurs de Poésie d'aujourd'hui, donc les éditions Aspect. Voilà. Nous serons au Salon de Paris dans quelques jours, sur le magnifique espace Grand Est, puisque maintenant, vous savez que le Grand Est voit grand. Donc c'est un des plus grands espaces du Salon de Paris, je ne sais pas ce qu'on va y faire, mais on est les seuls apparemment à représenter la poésie, puisque l'organisateur qui est venu nous rencontrer à Strasbourg nous a dit « Ah, c'est de la poésie, eh bien on ne sait pas quoi en faire ». Non, on ne sait pas gérer la poésie, parce qu'on était plusieurs... Donc l'histoire y arrive, la géographie y arrive, les combats de coq, ça marche très bien, mais la poésie... On ne sait pas gérer la poésie, alors on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire. Si, ça veut dire qu'il va y avoir des rencontres avec des journalistes, mais pas de poètes en tant que poètes. Quand ils font du roman... On peut, mais pas de problème. Il y a de la poésie dans le roman, a-t-il dit. Moi, je lui ai proposé des rencontres avec des poètes. Il ne m'a même pas répondu, tellement il ne sait pas quoi en faire. Bah, c'est-à-dire que si on ne lui livre pas les baguettes avec les nems, il ne sait pas quoi faire. Quoi. C'est drôle. Oui, c'est assez drôle, hein, parce qu'il y a vraiment, comment on pourrait dire, c'est pire que l'ignorance, hein, c'est une espèce de crainte de quoi je vais, qu'est-ce que je vais faire de ça. L'histoire, ça peut saisir, hein, on peut parler d'Henri IV et puis sauter, comme certains journalistes que je connaissais, à Marie-Antoinette, comme s'il y avait trois jours de passé entre les deux. Mais avec la poésie, ça nécessite quand même des lectures, des recherches, peut-être même une certaine sensibilité, on ne sait pas. Hein. Mais ils sont assez démunis, quoi. C'est assez drôle de s'entendre dire ça. Voilà. Donc on est à Strasbourg pour rien. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vais peut-être aussi préciser que donc au cours de ce festival, il y aura donc le vendredi soir, nous vous invitons, les amis de la Fondation Yvan et Claire Gold, dans le cadre de ce festival, présenteront une soirée cabaret autour des écrits pacifiques d'Yvan Gold. Donc nous serons 9 en scène avec 2 musiciennes, piano et violon. Et donc François est là, fait partie aussi des amis de la Fondation, donc nous serons 9 en scène. Où nous évoquerons en effet les écrits pacifiques d'Yvan Gold. Donc on vous invite à venir écouter, voilà. Dans quel lieu? Ce sera dans la salle Beauregard, à Rouen-l'Étape, dans le cadre du festival le vendredi soir, le 17. Ouais. Est-ce que vous êtes de Rouen-l'Étape? Non, pas du tout. Nous, on est de loin, on est de près de Toul, nous. Vous avez quand même son guillemette, c'est quasiment l'étranger, c'est l'intérieur. Mais ça nous fait une bonne heure et demie. Oui, on vient loin sur les pentes. Et à Nancy, sur le livre, sur la place. On y est depuis 13 ans. On a un très bel espace. On est au Salon des Indépendants en novembre. Au Salon des Indépendants, c'est... à Paris, dans le Marais, au Blanc-Manteau, en principe, on n'est pas à Saint-Sulpice cette année, puisqu'on va à Paris. C'est la première année où on n'est pas au marché de la poésie cette depuis année, plus de 20 ans. Parce qu'on va à Versailles, à la porte de Versailles, sans trop d'illusions, mais bon, on s'est dit on va quand même voir un peu comment ça se passe. Oui, une fois, il faut voir les... C'est apparemment c'est un peu décevant parce que c'est vraiment des grands messes, quoi. Vous avez peut-être déjà été, les auteurs sont un à côté de l'autre, 80 cm. Ils peuvent signer, mais pas des plus grosses signatures que ça, parce que sinon ils n'ont pas assez de place. Ah oui, c'est quelque chose. On dit pour les abattoirs de cochons, mais c'est. Là, il y aurait. SPA s'en mêlerait, ça ferait du buzz. Hein, dire. Au livre sur la place, c'est pas vrai. Vraiment de l'abattage. Ils ont reçu 616. Le livre sur la place, c'est la librairie la plus fréquentée pendant 2 jours, on va dire, de toute la France. Ah oui, quand on raconte ça ailleurs, ils sont affolés. On leur dit, les services de sécurité sont obligés de compter le nombre de gens qui rentrent, de se téléphoner entre eux pour savoir si on en fait rentrer 8 ou 10. Tellement il y a une presse à certains moments. Ben oui, parce qu'il y a la pépinière tout près, s'il fait beau, les gens passent, après ils se font coincer, il suffit qu'il y ait un Lévi quelconque dans le coin, et puis bon, ben, il y a des files d'attente, hein, pour des signatures dans tous les sens, etc. Les services de secours sont là pour des dames qui se pâment. Là, pour revenir au texte, vous avez choisi des textes qui sont très liés, enfin très cool, de façon fluide, enfin dans le sens des mots qui s'interpénètrent. Sauf, à un moment donné, vous avez choisi le choc un petit peu dans l'actualité, enfin d'actualité, le poème plus dramatique, enfin, Guantanamo, Auschwitz, etc. C'est Lopin et Lambercy. Et Patrick Lopin, c'est une poésie, en effet, plus engagée, on va dire. Poétique, il est très engagé, très militant. C'est une poésie engagée, avant tout. On essayait de faire en sorte que les poètes invités soient représentés, d'une part, et puis qu'il y ait des facettes. La poésie d'aujourd'hui, il y a des facettes très différentes, hein, entre la poésie intimiste et le discours social. Il y a de quoi faire, hein, c'est comme dans un journal. Hein. Vous prenez le journal Est Républicain, deux pavés dessoudés sur la place Charles III, ça vous fait une première page. Et en ce cas-là, en ce sens-là, qu'est-ce que c'est qui fait que c'est de la poésie dans tous les cas ? Eh bien, c'est à mon avis, la façon d'écrire, deux, parce que vous ne faites pas un discours social de la même façon que vous allez faire un texte sur l'émotion que vous procure une rencontre marquée par la pauvreté, etc., etc. C'est un peu sur tous les événements de la vie, vous pouvez faire une étude sociale, une étude statistique, une étude géographique, une étude historique. Ici, l'approche, elle est poétique. Mais je ne sais pas, moi, si on prend les jardins publics, ce sont des anecdotes sur les jardins. Elle rencontre un chien, elle rencontre un chat, bon, ben, elle va faire un petit texte. Mais à la limite, ça pourrait être le plan du jardin qu'elle est en train de visiter. Ça pourrait être l'interview du gardien du jardin. Il y a plein d'approches possibles pour tout. Ce que les poètes proposent, c'est une approche poétique, c'est-à-dire qui parle à l'imagination, à l'émotion, parfois au sentiment même. Hein. Et puis il lui rappelle de l'actualité. Bien sûr, le texte que j'ai lu de Candide Lopin sur les pauvres gens, c'est les mêmes pauvres gens que du temps d'Hugo, hein, les misérables. Vous avez peut-être appris à l'école, tiens, dit-elle en livrant les rideaux, les voilà, le texte des pauvres gens de Victor Hugo. C'est un couple de marins, il y a un bateau qui est perdu en mer et le marin rentre. Ah oui, je... Voilà, il y a tout un texte. Vous avez deviné mon... là-dessus, tu as à côté... mon intention. Il y a de la mousse, hein. Ça va ? Ça va comme ça ? Personne veut de crément ? Non, c'est bon ? Et on passe avec ça aussi. Oui. Et on passe avec ça. Est-ce que c'est poétique ? Je ne sais pas, ça fait un peu moins de bruit que les pop-corns, c'est tout ce que je peux dire. Et là, peut-être passer, oui. Je vais voir comment ça se présente. Peut-être, ouais. Pour nous, c'est intéressant de savoir si ça vous a pas paru trop long. Non, mais je pense qu'il faut pas. Enfin, il faut se laisser aller dans une conscience qui est. On peut continuer l'itinéraire. Hein, qui n'est pas la conscience ordinaire. On rentre dans un univers qui est tout à fait. Qui est vrai et qui en même temps n'est pas du tout cartésien. Donc là, on sent des choses qui sont évidentes et en même temps qui ne sont pas tout à fait explicables ni même ont un sens, non pas un sens ordinaire, mais sont en dessous ou en dessous du sens. Quelque chose comme un autre monde qui s'ouvre, qui est vrai, qui est là, qui est latent. Oui, parce que les choses sont dites avec beaucoup de simplicité dans l'ensemble. Après, évidemment, l'enchaînement des textes les uns après les autres fait qu'il y a une forte densité, je veux dire. C'est pour ça qu'il faut travailler de temps en temps. Bon, là, on a des petits soucis avec la musique, mais il faut des pauses musicales. Non, on n'a pas voulu... Ça a marché aujourd'hui, sauf une fois. Parce que c'est dans un lac, si on n'est pas dans le... Mais c'est vrai que c'est... Oui, pour articuler tout cela, c'est vrai qu'on... Enfin, c'est une porte ouverte en dehors du quotidien. Voilà, tout à fait. Tout comme l'art, voilà. Comme la musique. Exactement, c'est des propositions d'espace. Voilà. Il y a un espace poétique, comme il y a un espace musical, un espace... Et ça fait du bien. Alors, c'est bien. On est ravis si on a pu partager avec vous, en tout cas. C'était le but. Mais c'est vrai que défendre la poésie, c'est vraiment... C'est un combat. Ah oui, oui. Par rapport à la... Moi, d'ailleurs, je souligne quand même... Le courage des éditions Aspé, ils le font avec passion, certes, mais je trouve qu'il faut vraiment toujours se battre. Ils ont bien le mérite de faire connaître justement la poésie, parce qu'il y a les grandes maisons d'édition, comme Gallimard ou d'autres, bon, qui, les grandes maisons d'édition ne prennent pas forcément le risque. Secteur, hein. Voilà. Ça se vend pas assez. Oui, ça se vend pas assez. Ça, bah, Richard le dit bien, hein, une grande partie de l'œuvre de Richard est portée par... les lectures qu'il fait, la conviction qu'il met, c'est magnifique. Si Richard un jour passe chez vous, ça vaut le coup de l'entendre lire parce qu'il lit très bien. Voilà. Il écrit très bien, mais il lit très bien. Il est toujours à Épinal. Non, Dommartin. À Dommartin. Mais il était prof à Épinal. Oui, j'étais prof à Épinal, mais vous savez, le temps passe, hein, même moi j'ai vieilli et je... On a passé une journée avec lui. C'est dur. Donc c'est bien. Interdit aux chiens, on dirait c'est heureux que les chats ont lu la pancarte. C'est de la poésie. Parce que il y a cette façon de regarder. On en a vendu pas mal parce que au marché de la poésie, il y a des gens de toute la France qui viennent. C'est le plus gros marché de la poésie certainement du monde, hein, à Paris. Et j'en ai vendu un à une famille coréenne de restaurateurs de la région de Lille. Alors c'était amusant parce que ça leur a beaucoup plu. C'est très court et ça donne tout de suite une image qui doit correspondre à leur sensibilité poétique. Et donc le monsieur a acheté ça pour sa femme. C'est assez drôle, mais je dis acheter. Et ça n'a rien à voir avec l'haïku. Oui, c'est peut-être cette sensibilité-là du texte court qui part du premier mot et qui développe une idée qui est comme une petite miniature sur un mur où on se dit c'est habilement fait et on voit tout de suite. Hein. Je veux dire, c'est très rare des gens qui offrent des livres comme ça à leur femme en rentrant de Paris. Hein. En général, c'est plutôt des Tours Eiffel. Une idée qui nous démangerait presque, enfin pas presque, même beaucoup, ça serait d'écrire à la suite ou en même temps, de propulser des... Les ateliers d'écriture servent à ça. Simultanément. Oui, simultanément, ou de... Que là, on aurait pris quelques flashs, et puis on les aurait échangés. Parce qu'on les perd, enfin on les perd pas, mais... D'ailleurs, moi j'enregistre, parenthèse, je n'ai pas demandé l'autorisation. Je le demande après. Mais non, mais c'est parce que c'est intéressant, mais parce que ça donne envie d'y rentrer dedans et de plonger. Vous nous donnez un bain, ça donne envie de hein, je sais pas si, d'y aller avec nos mots ou vos mots les propulser, les faire jouer les uns par rapport aux autres. Ça donne envie, ça. Non, c'est pas vous. Mais le but est déjà que vous ayez envie ensuite de vous-même de vous les approprier, les textes, de les lire. Oui, oui. Et puis Philippe ensuite, Vallée va faire, écrire. Philippe Vallée va faire deux ateliers d'écriture. à partir des textes qui auront été lus par l'atelier de lecture, l'atelier d'écriture, c'est-à-dire il va partir exactement à Rouen l'étape. À Rouen l'étape, il y aura deux ateliers, il commencera par faire lire les extraits. Ah, c'est ce que le testimonial dit. Je vais faire et c'est quand ces ateliers, enfin, les ateliers, on n'a pas le programme. Le samedi, dimanche. On n'a pas le programme encore. Oui, oui. Ah, voilà. Faire plaisir aux gens quand même, il y a un texte pour vous. Très bien, merci. Vous pourrez parler. Par terre de jonquilles. C'est toujours cela de prix, se répète le regard. Comme en vacances, on s'arrête sans le sou devant chaque maison à vendre. On peut rêver quand même. Oui, ben oui. On peut rêver d'avoir ça devant sa maison. Ça va, dit madame. Ça veut dire qu'elle habite un appartement en troisième. Donc, elle se dit. J'avais un petit frère quand on traversait la France qui avait une quinzaine d'années et qui achetait des maisons, actuellement bien sûr. En passant, il disait. La maison là, quand je serai grand, je l'achèterai. Et comme on traversait la France en oblique, hein, depuis Nancy, j'en dis, jusqu'à Biarritz, tous les ans, il y avait une dizaine de maisons nouvelles qu'il achetait. Et ça lui suffisait pour le voyage. Il n'est pas devenu agent immobilier. Non, à mon avis, non. Victime, oui, mais... Il fait beaucoup d'ateliers. Oui, lui, j'ai fait un atelier. On a édité deux ouvrages de Philippe Vallet. Ah tiens, bonjour. Bonsoir. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, je sors du travail assez tardivement. En tout cas, je vous remercie de votre présence nombreuse ce soir. J'espère que vous avez pu apprécier la lecture qui vous a été donnée. Enfin, je sais que moi, je l'apprécie beaucoup. Il travaille énormément pour mettre en valeur les poètes que nous avons invités au festival. Ils ont extrait des morceaux, c'est le terme exact, afin de faire apprécier le travail des auteurs que vous pourrez rencontrer lors du Festival de la Poésie. Comment vous parlez du festival? Déjà, je ne me suis pas présentée. Oui, vous avez vu sur Internet. C'est le chef. Oui. Le petit chef. Je m'appelle Marie-Vincent, donc je suis présidente de l'association Poésie et Liberté. On a créé le festival en 2017 pour désacraliser la poésie. Mmh. Voilà, c'était l'idée de départ, donc parce que c'est un domaine littéraire qui reste un petit peu seul, un petit peu désavoué, enfin pas forcément du grand public. Donc l'idée c'était de l'ouvrir à tous, parce que la poésie on la retrouve dans tous les domaines culturels, la musique, l'écriture, les arts plastiques. Donc partant de là, la manifestation, c'est pas le printemps des poètes, c'est la mise en valeur de la poésie. Donc par les écrivains, les poètes qui vous ont été présentés, mais aussi par les artistes plasticiens, par les compositeurs, les auteurs de chansons. Donc le festival de la poésie, ça va se dérouler sur une semaine. Il y a des ateliers d'écriture dans les écoles avec des artistes. Comment on aura les programmes? On est en train de fabriquer les programmes. On se démène pour mettre ça en page. Donc il y aura des concerts tous les soirs dans les cafés de la ville, parce que l'idée c'est que la ville puisse être animée et que ça soit ouvert au grand public, que tout à chacun puisse trouver la poésie. Donc d'ailleurs, ça s'adresse à tous les publics et il y aura des animations tant à la maison de retraite qu'avec le relais assistante maternelle, les écoles primaires, le collège, le lycée. Enfin, toute la ville est mobilisée pour mettre en valeur la poésie. Mmh. On a des artistes plasticiens qui feront des expositions et des installations spécifiques en ville sur le thème du festival. Voilà, donc la semaine-là, le week-end en particulier, on retrouvera tout ce qui peut avoir attrait de près ou de loin avec la poésie pour l'apporter au grand public. Donc les amateurs de poésie qui vont retrouver leur compte avec des professionnels, avec Sylvestre Clancier, les auteurs qui vous ont été présentés, et puis le commun des mortels, le profane de la poésie qui va pouvoir... se promener nonchalamment dans l'étape et pouvoir recevoir la légèreté et le plaisir de la poésie. Voilà. Donc j'espère que cette manifestation vous donnera envie de venir à Rouen-l'État, parce que si vous n'êtes jamais venu, c'est l'occasion ou jamais. Vous passerez certainement un très bon week-end. Il y aura une grande banderole, ça sera marqué dessus. Pour la poésie, Rouen, c'est l'étape. On voit l'homme de Donc, les programmes, vous les diffusez sur Internet ou... ils seront sur Internet. On a déjà une page Facebook du festival où on retrouve régulièrement toute la communication. Mm-hmm. Parce qu'on a aussi un concours de poésie. Alors, la date limite, c'est le 8 mars pour déposer son poème. Sachant que le concours, il est par catégorie d'âge, donc il y a les enfants, les adolescents, les adultes, et que le jury sera composé d'auteurs professionnels et notamment des poètes invités. Donc c'est une délibération, en tout cas un prix qui sera attribué par des professionnels. Donc pour les prix, petite association, petit prix, mais de qualité, hein, parce que les membres du jury sont de qualité. Le prix est un trophée en verre qui est fabriqué par le lycée professionnel, les élèves du lycée professionnel. Mmh. Et puis il y aura également des livres des poètes présents. Mmh. Mmh. Il y aura une librairie tenue par un salon du livre, la librairie Le Neuf. Le Neuf, et puis nous. Ouais. Alors, on a une librairie à Rouen-l'Étape, mais il n'a pas tenu à s'investir dans le projet pour ses raisons personnelles. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec la librairie Le Neuf, parce qu'on a besoin aussi que le festival puisse prendre de l'importance. Il y a besoin d'une librairie professionnelle, ne serait-ce que pour vendre des livres. Oui. Voilà. Donc la librairie Le Neuf aura bien entendu les livres sur le salon du livre. On va organiser un partenariat avec l'espace culturel du Leclerc, mais de Rouen-l'Étape, hein, parce qu'il y a un Leclerc à Rouen-l'Étape. Donc là, pour le coup, le grand public aura visibilité sur le Festival de la Poésie. Qu'est-ce que j'oublie ? Donc la page Facebook, on peut suivre toute l'actualité, les vidéos, ce qui va se passer, les prochaines lectures. Et ce qu'il y a donc la rétrospective du dernier festival, pour donner une petite idée. Et puis, communication, pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas rien de plus en communication. En tout cas, vous pouvez aller visiter la page Facebook de temps en temps. Si vous avez Facebook, après, c'est sûr que... Si, adhérer à l'association, parce que là, les membres reçoivent... Quelques feuilles. Les membres reçoivent des petits mails personnels. À défaut d'avoir Facebook, c'est un bon moyen. Excusez-moi. Voilà, c'était donc la présentation du Festival de Poésie de Rouen-l'Étape. Et on en reparlera, bien sûr. Et là, il est minuit. J'ai mangé mon temps. J'avais prévu une séquence sur une autre forme de poésie, si je peux dire. C'était le reportage sur le 23, l'acte 15 des Gilets jaunes à Épinal. Particulièrement poésie, particulièrement sonore, si je peux dire. Mais bon, il y aura peut-être du nouveau demain. Avec l'acte 17. Mais voilà, bonne nuit. Alors on est pile poil minuit, je termine quand même sur de la musique, de façon à vous mettre un peu de son dans les oreilles. Bonne nuit. C'était bien sûr sur une musique de la mi-férie. Je ne sais plus combien ça fait de mois qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Mais depuis, tous deux, on se balade. On ne prend jamais le vent debout. C'est lui qui pousse et on s'en fout. Mon camarade, en avril, tous les prés sont verts. Ils sont tout blancs quand c'est l'hiver. En mars, ils sont en marmelade. Mais il y a pour deux vagabonds un coin des tables où il fait bon. Mon camarade, on se souviendra du Balthazar qu'on a fait ce soir par hasard avec un vieux corbeau malade. On a tout mangé, même les os. et tu vas roupiller bientôt. Mon camarade, voilà la première étoile qui luit, les grenouilles dans le fin fond de la nuit, en cœur lui font une sérénade. Les grenouilles ont des petits points d'or, dans les yeux, tu le savais, tu dors, mon camarade. Je me demande certains jours pourquoi nous poursuivons toujours cette éternelle promenade. Oui, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bonheur qu'on avait rêvé, mon camarade. Un jour on sera tout ébahi, on arrivera dans un pays plein de fleurs, d'oiseaux, de cascades. On sera reçu à bras ouverts, il y aura des carillons dans l'air, mon camarade. Il y aura une petite blonde pour moi, et puis une petite brune pour toi, qui trouve qu'elle est blonde, c'est trop fade. Elles nous trouveront bien à leur goût et diront, venez donc chez nous, mon camarade. On trouvera ça, mais oui, mon vieux, c'est peut-être là-haut dans les cieux. Dame, faudra pas rester en rade. On attend marcher ici-bas, y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mon camarade. Jean-René Gossimon, Jean-Roger Gossimon, pardon, mon camarade, et bonne nuit à 508 à la pétition Urgence Patrimoine pour le presbytère de Bussan. Allez sur Urgence Patrimoine et continuez. Bonsoir.